Salut tout le monde, ici Jean-François Tremblay. Juste avant notre épisode régulier, on a pour vous une entrevue exclusive que Sébastien a menée avec Simon Predge, qui vous parle de la nouvelle saison de son podcast Ars Moriendi. Et donc, revenez-nous tout de suite après l'entrevue pour l'épisode régulier. Merci. Coucou tout le monde, c'est Sébastien. Écoutez, je ne suis pas de l'épisode, mais je tenais quand même à faire une petite incursion pour vous jaser de quelque chose d'important qui est arrivé cette semaine. Non, il n'y a pas de film qui est sorti de cette semaine. C'est encore plus big que ça. C'est la deuxième saison d'Ars Moriendi qui est sortie. Vous avez sûrement vu ça passer sur notre Facebook. Calme, là. Ben alors, écoute. Calme. Voilà, je vous spoil plus rien. Vous l'avez entendu. C'est le grand Manitou d'Ars Moriendi qui est là avec moi. C'est Simon Predge. Salut, Simon. Ça va? Salut, ben oui, ça va. Ben, je trouve que t'en mets pas mal, là. Ben, écoute. Ah, ben, ouais. Ben, écoute, faut toujours bien vendre ça à ceux qui connaissent pas ça, là, tu sais. Bien sûr. On va juste l'épeler. Légendaire. Oui, légendaire. Fait que là, ouais, toi, deuxième saison déjà. Il me semble que tu nous parlais de ce projet-là, ça fait pas longtemps, puis là, on est déjà rendu à deuxième saison. Et puis c'est vrai que la première fois que j'en ai parlé, c'était avant même que ce soit sûr que je fasse ce projet-là, et c'était à votre émission. Ouais. Je sais pas si ça a été diffusé, mais je pense que c'était pendant une pause ou je sais pas trop. J'ai dit, hey, ça, je pensais à ça de faire ça. Vous autres, est-ce que vous écouteriez ça, ce show-là? Puis tout le monde a dit ouais. Mais c'était la première fois que j'en parlais à quelqu'un, ça, cette journée-là. C'est vrai, je me souviens que tu nous en avais parlé. Puis écoute, mais en même temps, je t'avais pas menti, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, et pas sûr que j'en ai manqué un, tu sais, c'est mon dada, là, tu sais, je t'en ai parlé souvent, là, je suis un fan, je parle souvent pendant le podcast que je suis un fan du podcast Lore, mais je t'ai toujours dit que Ars Moriendi était notre Lore québécois. Ben, puis on se le cachera pas, Lore est un des shows qui m'a motivé à le faire le mien, là, c'est pas un secret, là. Donc, c'est une version francophone. Exact. Puis pour ceux qui sont là, on parle de ton projet, mais pour ceux là, qui font comme si j'ai jamais entendu parler de ça, de quoi qu'ils parlent, vas-y donc. Ah ouais. Fais-nous ton pitch. Mon pitch, je sais jamais comment. Moi, là, je suis pourri pour me décrire. Là. Mais bon, Ars Moriendi, c'est le titre du podcast. En gros, c'est un podcast d'histoire vraie, criminelle, parfois de tueurs en série, des fois de vieilles légendes, de vieilles coutumes un peu d'une autre époque, mais toujours d'un point de vue très... on raconte une partie de notre histoire. Là. On raconte une histoire, tout est vrai. C'est d'en raconter avec une trame sonore pour mettre une ambiance. Tout est scénarisé. Occasionnellement, j'ai des comédiens qui viennent faire des citations. C'est ça. On se raconte des histoires d'horreur, des histoires sordides de notre histoire et de grands personnages. Oui, parce que dans le fond, c'est ça ce qui distingue. Bon, on va reprendre l'exemple de Lore. Que tu ne vas pas dans le surnaturel. Non, ben, même si Lore, on a des histoires qui sont les mêmes occasionnellement, puis. Même si Laure a déjà parlé de meurtrier en série, il reste que moi, c'est plus dans le crime que j'aime aller. Je suis autant fan de paranormal, mais j'ai beaucoup de misère à dire « je te raconte une histoire vraie », puis après ça, compter une histoire d'extraterrestre. Ouais. Tu sais, moi, je préférais l'approche plus documentaire un peu, là, où ce que, oui, c'est le fun de se raconter une histoire, mais on veut tous les détails, puis on veut les vrais détails. À un moment donné, c'est plate, il y a tellement de fausses rumeurs des fois autour d'histoire, mais je vais donner un exemple. Dans ma première saison, je racontais une histoire où je parlais du mystère de Baldoon, en fait. Baldoon, qui était une des vieilles colonies au début de l'Amérique. Bon, c'était en Ontario, ça, Baldoon. C'est une colonie qui n'a pas vraiment fonctionné, mais bon, on raconte une histoire de maison hantée, de possession, si on veut, en quelque sorte. Mais là, je dis, OK, je veux raconter ça. C'est une histoire quand même de fantômes parmi les plus célèbres en Ontario, là, tu sais. Je commence à fouiner dans l'histoire, puis tu sais, moi, des fois, je creuse un peu trop pour avoir le fond de l'histoire, mais j'ai réalisé, dans le fond, qu'il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas beaucoup de faits de cette histoire-là qui est réelle, parce que, ou du moins qu'on n'a pas de preuves et qui sont probablement des mensonges, parce que tu réalises que l'histoire, comme on la connaît, a été écrite par un des fils de la famille, oui, mais il y avait 5 ans quand c'est arrivé. Et parmi les témoignages qu'il a utilisés dans son livre, il y en a bien qui disent « c'est pas vrai ». Donc, il n'y a pas grand-chose de vrai. Les seuls autres, j'ai trouvé un article de journaux de l'époque qui fait 300 mots. That's it. C'est sûr que, bon, hein, j'ai pas la prétention de dire que je trouve tout, mais il reste que c'est ce qui est trouvable. C'est un article de journaux de 300 mots qui résume l'histoire. Sinon, il y a un Amérindien aussi qui en a parlé dans son histoire des Ojibwés, mais il y a beaucoup de différences. Il dit que lui, il a jamais rien vu. Il y a des détails qui ont été tronqués dans l'histoire, dans le livre du fils. Puis, fait que là, mon histoire a changé du tout au tout, parce que là, je peux pas dire que c'était une histoire vraie. On ne sait pas ce qui est vrai. Ouais, ce qui devient, là, ce qui est devenu intéressant, c'est l'histoire de l'auteur. T'sais. Bon, comment une enquête, entre gros guillemets, radiophonique, là, peut démontrer qu'il n'y a pas sûrement pas grand-chose de vrai dans cette histoire-là? Puis, fait que ça te permet de raconter l'histoire, raconter la légende, puis après ça, tu as décortiqué. Fait que tu as le vrai, le faux, tu l'analyses comme tu veux. Au final, on le sait pas. Puis ça, je trouve ça intéressant. Comme ça, tu as toutes les optiques, puis je prends pas nécessairement toujours position dans ces histoires-là. T'sais. Ouais, en effet, c'est ça que je trouve ça cool, c'est que tu nous laisses un peu le choix de faire notre propre jugement à la fin. Tu sais, je prenais par exemple, tu nous as bel et bien raconté l'histoire d'Elizabeth Bathory, mais à aucun moment tu commences à mentionner que c'était une vampire ou whatever, comme c'est toutes les. Comme ouais, certains podcasts non. ou certains films vont essayer de nous faire croire. Mais tu nous parles de recherche. Je veux dire, moi, demain, je me dirais, bon, je vais chercher sur ça, là, la colonie de Bardugo. Tu sais, moi, je vais aller googler, tu sais. Toi, tu me sembles aller foutrement loin. C'est quoi tes trucs, là? Ça dépend de l'histoire. Ça dépend de l'histoire, tu sais. Il y a des histoires que tu peux googler, puis t'as tout. Je cacherai pas que la grande partie de mes histoires viennent d'Internet, là. Mais aujourd'hui, c'est facile. On a accès facilement à toute cette information-là. Mais il reste qu'il y a des histoires, des fois, que... Tu sais que tu peux trouver la moelle dans l'os. Mm-hmm. Même s'il y a beaucoup de chair autour de l'os, tu veux la moelle. Et tu sais qu'elle existe, il faut que tu la trouves. Si tu es chanceux, puis tu prends le temps de lire, pas juste lire les articles de 400 mots, mais lire, là, lire des essais, lire des recherches d'universitaires, lire des trucs. J'ai déjà traduit des textes de journaux russes à la main, parce que c'était pas, je pouvais pas sélectionner le texte, là, c'était une photo. Là je traduisais à la main pour essayer de voir s'il y avait pas d'autres informations que j'aurais pu soutirer de l'article, par exemple. J'ai trouvé énormément de dossiers d'époque, par exemple, pour dans l'épisode où je parle de Moïse, je parle aussi de Wendigo, la légende du Wendigo, légende amérindienne de cannibale. Mais j'ai... Partout sur Internet, on a les deux mêmes histoires. C'est les deux plus célèbres, c'est toujours les mêmes. Mais en dessous de ça, c'est sûr qu'une légende part de beaucoup plus loin. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres histoires, mais il faut que tu les trouves. Où sont où ces histoires-là? Bon, j'ai été très chanceux. Dans mes recherches, je suis tombé sur un essai. Dans le fond, c'était un mémoire d'université ou je sais pas quoi. C'était son mémoire, en fait, elle avait fait sur la légende du Wendigo dans l'histoire amérindienne, puis blablabla. Fait qu'elle avait fait extraordinairement de recherches pour moi. Fait que là, après ça, j'ai pu juste fouiner là-dedans, puis ça m'a aligné. Bon, je peux aller, faut que j'aille trouver ce livre-là. Puis bon, à partir de là, ben, j'ai choisi mes histoires, puis j'ai pu, mais sans avoir trouvé ce document-là, j'aurais probablement pas fait cette histoire-là parce que il m'aurait manqué quelque chose, tu sais. Là, tu me disais, c'est vrai, là, tu les décortiques vraiment, tu vas chercher la moelle dans ces histoires-là. Quand je peux. Putain, quand tu peux, évidemment, quand moi, Lilia. Voilà. Mais tu dirais que tu mets combien de temps là-dessus? Parce que, sérieusement, moi, j'écoutais des épisodes et je me disais, OK, il y en a beaucoup plus que ce que j'ai déjà entendu par rapport à ça. Ben, ouais, ça, c'est deux points, là. Je veux en donner plus, mais ça, j'y reviendrai, mais j'ai calculé dans ma première saison qu'en moyenne, j'avais mis 25 à 30 heures à peu près par épisode, dans le fond, d'une heure. Mais c'est très approximatif et je n'ai pas la notion du temps. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont pris plus, peut-être qu'il y en a qui ont pris moins. Là. C'est l'écriture puis la recherche qui est long après ça. C'est sûr que c'est plusieurs heures, le montage, l'enregistrement, les comédiens, mais c'est la recherche puis l'écriture qui est le plus long. Là. Mais tu vois, tu disais, tu vas en donner plus que les autres. c'est que je savais. Ben, moi, j'ai toujours été extrémiste là, dans tout ce que je faisais. Là. Je fonce à pleine face, puis on réfléchira ensuite. Mais j'ai toujours aimé ça beurré épais. Tout dire, tout mettre, que tu finis, puis tu t'en poses plus de questions. Ou en tout cas, on se comprend, là. Ouais. Mais j'ai toujours été comme ça. Mais malgré tout, à mesure que je faisais mes recherches, j'ai réalisé, tu sais. Les émissions documentaires, mettons, à Radio-Canada. Mettons, au Canal D, là, un tueur si proche, ouais, c'est ça. Mais même Radio-Canada, s'il passe un documentaire, souvent, tu sais, c'est Radio-Canada. T'sais, t'as pas juste toi et moi qui peut regarder Radio-Canada, c'est tout le monde, hein? Non. Fait qu'il faut que tu fasses un peu attention à leur petit cœur. Oui. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ces histoires-là qui sont négligés, qui sont mis de côté parce que c'est trop pour l'auditeur, pour le spectateur. Et je comprends. Mais c'est vrai, je pense à l'histoire de Moïse Rocktério que tu racontes. Eh oui, voilà. Ça n'a aucun putain de bon sens. Je l'écoutais, je passais ma tondeuse, je l'écoutais, puis des fois, je faisais juste m'arrêter pour faire des tabarnak. Que c'est ça, esti? Ben, je suis même pas sûr qu'il y avait ça dans le film, tu sais, puis le film était supposé non, nous raconter tout, tu sais. Ouais, mais non. Non, non, non, non. Ça, c'est justement l'exemple que j'allais te donner. Ouais, OK. C'est le meilleur exemple dans ce dossier-là. C'est que le fait qu'on en sait, on sait pas tout là, sur Moïse parce qu'ils veulent pas nous en parler. C'est sûr qu'il y a des livres. Si tu lis les livres, tout est dedans. C'est ouais. Là pour ça, tu sais. Mais à TV, on voit pas tout parce qu'ils veulent pas te brusquer tout le monde. Ils veulent pas que tu fasses des cauchemars. Tu sais, quand Moïse, pour ramener sa victime, tu sais, à la vie, il la perce avec une drill dans le crâne. Puis bon, si vous avez écouté l'épisode, vous savez la suite, là. Je veux pas me répéter. Puis on veut pas brusquer les matantes, là. Non, non, non, parce qu'il y a beaucoup de matantes qui nous écoutent. Oui, mais exactement. On les salue, d'ailleurs. On les salue. Michel Louvain, la semaine prochaine. mais au final, ces scènes-là sont extrêmement bâtards, là. Fait que les émissions documentaires pour la télé, ils les montreront pas, n'en parleront pas, ils vont juste les tasser un peu. T'sais, si tu peux regarder un documentaire sur Luca Magnotta, puis ils mettront pas son vidéo dedans, là. Non, en effet, là, ils vont mettre un screenshot de c'est son salon, puis il n'y a personne dedans. Puis tu sais, ceux qui trouvaient que le film de Moïse était rough, ben, il est très édulcoré, mettons. Ben oui, c'est ça. Puis là, je me dis, ben, moi, ma personnalité comme ça est extrémiste, puis on en fait beaucoup. Fait que, tant qu'à ça, je voulais qu'on vive la vraie horreur de la réalité. C'est le but du show, tu sais. Ah oui. Je peux pas commencer à cacher des affaires. Ça marcherait pas dans mon concept, tu sais. C'est justement l'avantage du podcast, mettons, pour un show d'opinion, c'est qu'il peut sacrer. Ben, ah oui. Moi, c'est que je peux raconter les détails croustillants, aussi horrifiants soient-ils, tu sais. Mais anyway, regarde, c'est que tu les racontes, là, tu ne les montres pas, là, fait que, tu sais, même si exact, tu as un trou dans la tête avec une drill, ben là, je veux dire, si tu fais comme, oh mon Dieu, c'était horrible, ben, regarde, tu te l'imaginais, là, c'est tout. Puis, oh, tu sais, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de le voir. Non. Mon premier, je pense, c'est peut-être le troisième ou quatrième épisode, je ne me souviens pas par cœur, mais je parlais d'une histoire d'un gars qui nappait des scouts, puis qui les torturait, puis qui les pendait, tu sais, bon. Moi, j'ai pas pensé à ça. T'sais. Dans ma tête, c'est quand même un show pour adultes. Là. C'est quand même un show assez trash. J'ai pas réalisé, moi, que je suis dans mon quatrième épisode ou troisième épisode. Le public ne connaît pas encore le show. Puis je lance ça avec en quelque sorte, de la torture faite à des enfants. T'sais. Et puis, il y a quelques parents qui m'ont dit « Ouais, ça m'a brassé. » Ils sont pas pleins, là, parce que mes auditeurs savent dans quoi ils s'embarquent, en quelque sorte. Mais il reste qu'ils sont venus me le dire. Parce que, what the tabarnan, je savais pas que ça s'en venait. Puis là, ben, je l'ai entendu l'histoire. Tu sais, puis je trouve ça rough. Fait que tu vois, après ça, à cette heure, c'est juste les épisodes où il y a des enfants. Je vais rajouter un petit avertissement au début parce que, comme ça, si toi tu penses que tu n'es pas capable de le prendre, ben écoute-les pas. Comme ouais, ça, exact. Ça va être mieux pour toi. Puis là, ben, là on jase bien gros de la première saison, mais on est quand même là pour en parler de la deuxième. Ah, qu'est-ce que tu nous réserves sans nous spoiler, là, c'est la deuxième, là, mais écoute, là. Ben, hey, je suis vraiment excité par ma deuxième, puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'on s'éloigne des tueurs en série. Okay. Première saison, tu sais, je me cherchais beaucoup aussi. C'est sûr que je me suis concentré sur des tueurs en série, puis on va y revenir, là, c'est sûr. Mais J'ai monté mes histoires pour la deuxième saison. Moi, j'ai tout préparé ça à l'avance. Je faisais mes recherches. Puis là, je suis OK, j'ai choisi mes histoires. Puis je regarde. Puis je réalise qu'il y a comme une espèce de tangente. Je réalise qu'il y a beaucoup d'histoires familiales et de petits villages, de communautés. Puis j'ai décidé de tasser les histoires qui ne fitaient pas là-dedans. Puis de les remplacer par quelque chose pour vraiment avoir une thématique tout le long de la saison. Fait que c'est sûr qu'il y a des thématiques. Ça se prend de loin, là. Ça rentre pas tant dans famille-communauté. Tu peux dire communauté parce que c'est large, là, mais en grande majorité, c'est des histoires de beaucoup, beaucoup de familles, de membres de famille. Et quand je dis communauté, ça peut être un village, ça peut être un village en entier qui est coupable de quelque chose. Et c'est d'ailleurs l'histoire qui m'excite le plus. Je te mords de la vous raconter! Épisode numéro quoi? Vous êtes chanceux, ça s'en vient vite parce que je peux pas attendre. Deuxième saison, tu sais, quand on essaie d'évoluer, faire mieux. Tu sais, ma première saison, j'avais jamais fait ça avant. Je suis pas auteur, je suis pas comédien. J'apprends sur le tas, tu sais. Puis deuxième saison, tu sais, ben là, j'ai appris des affaires. Fait que là, je vais en apprendre des nouvelles. Fait que il y a des affaires que je vais faire un peu plus qu'à la première, dont les comédiens. J'invite beaucoup plus de comédiens. Il va y avoir beaucoup plus de jeux que dans la première saison. Là, je me suis gardé le premier épisode qui est déjà sorti. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun comédien. Mais après ça, ça s'enclenche. Il va y en avoir beaucoup plus. Il y a deux épisodes durant la saison où on veut vraiment avoir une reconstitution. C'est-à-dire que on va revivre la journée ensemble. Et je vous dirai pas c'est quoi. Essayez non, pas. Non, je vous dirai pas. Écoute, moi, c'est plus fun que quand je me tourne un bras, tu vas me le dire. Non, mais c'est parce que j'aime ça les surprises, parce que si je te dis c'est quoi l'histoire avant, ben, quelqu'un qui est impatient, il va aller lire, va aller checker, puis là, tu te spoiles l'histoire. Il y en a qui connaissent des fois les histoires, puis ça arrive, c'est normal, mais quand tu le sais pas, ben c'est plus le fun, je trouve. Ben, écoute, moi, je te dirais que la moitié des histoires de la première saison, je les connaissais pas, fait que c'était vraiment un plaisir. Toujours le fun, quand tu lances une histoire, tu fais comme « shit, j'ai pas entendu celle-là, c'est quoi cette affaire-là? » Ben, c'est le fun. Ouais, c'est le fun quand tu t'éloignes des classiques, tu sais. Mais tu vois, c'est pour l'histoire-là, pour la troisième saison, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de monde qui vont jouer un rôle. Puis je devrais avoir terminé de céduler mes comédiens, genre demain ou ce week-end. On enregistre la semaine prochaine. J'ai 3 journées de séances d'enregistrement, 2 soirées, plus une journée de week-end où ce que back-to-back, tous les comédiens vont passer pour enregistrer leur truc. Je suis content, j'ai des fans. Qui embarque. Puis moi, c'est juste. Moi, j'ai fait une demande. J'ai magasiné mes comédiens autour dans mon entourage. Puis ça a donné que je suis tombé sur des gens que je connaissais pas, mais qui découvraient le show. Puis qui là sont excités de participer. Ça, je trouve ça super le fun. Mais avant tout, c'est une histoire qui, moi, m'a jeté à terre. Tout en n'étant pas surpris tant que ça. Okay. On a beaucoup de misère à croire que c'est arrivé. À ce point-là. Puis en même temps, on le sait que c'est arrivé souvent dans l'histoire. C'est juste que c'est un comportement de masse qui arrive occasionnellement dans la vie. Heureusement, pas trop souvent à cette échelle. Mais on va vivre une journée qui est pas évidente et qui marquera une partie de l'histoire comme une grosse tache qui ne se nettoie pas. Oh boy, c'est intriguant. Écoute, je veux au moins savoir combien de comédiens. T'as l'air d'en avoir. Il va y avoir à peu près une 20aine de personnages. Shit. Et pour ce faire, j'ai 12 comédiens. OK, quand même. OK, fait qu'on parle de quelque chose de gros, là. Ouais, c'est du stock. Je panique en ce moment. C'est pour ça que je me dépêche à faire ça tout de suite parce que je veux mettre ça de côté. Hey, je sais pas ce qui se passe, mais depuis tantôt, il y a des pompiers et de la police sur ma rue. Je vais aller enquêter et on va faire un bel épisode. Tu vas avoir un bel épisode. Personne ne connaîtra cette histoire-là. Mais non, c'est ça, au final, c'est beaucoup de travail, puis ça me stresse vraiment beaucoup. Là. J'ai monté des horaires serrés pour les comédiens. J'ai jamais fait ça avant. Ils me connaissent pas. Je sais pas comment ça va donner. Mais ouais. J'espère c'est, que les beignes et le café vont être bons. Ah, pas le choix. Pas le choix. Puis écoute, là, tu parles de communauté, tout ça. Là. Ça sent en plein nez l'histoire des histoires de sorcières. Là. Ah, ben peut-être qu'il va y en avoir la deuxième saison. Peut-être pas. Okay. On verra bien. OK. Écoute, non, c'est vraiment intriguant. J'ai même pas eu le temps d'écouter encore le premier cette semaine. J'ai vraiment hâte. Ça, ah, sorti hier, là. Mais oui, mais écoute. Toute chance. Hier, quand il a popé, j'avais le goût de l'écouter. Mais bon, regarde, je préfère me garder un moment plus tranquille parce que il n'y a rien de pire que d'écouter ce genre de podcast-là. Fait comme Chris, ça fait 5 minutes que j'écoute plus, là, on en est rendu où? C'est pas comme du monde qui jase. C'est le genre de podcast que tu prends une marche, tu t'imprègnes, tu prends le temps. Là, tu disais le podcast est écouté dans le noir, puis c'est quasiment vrai. Là. Ben c'est ça, c'est sûr que moi je suis un gars qui écoute mes podcasts dans les transports en commun, fait que je suis bien mal placé pour parler, mais Ars Moriendi, je trouve que c'est un show qui vaut, tu veux t'asseoir dans puis tu veux l'apprendre l'ambiance là. T'sais, tu t'allumes une chandelle, puis avant de te coucher, tu t'écrases dans le lit puis t'écoutes ça. Moi c'est comme ça que je le vois le show. Bien sûr, on fait pas tout ça, mais c'est normal là. Mais je pense que c'est la meilleure ambiance pour l'écouter. Ah, oui. Moi, un des plus beaux compliments que j'ai eu pour Ars Moriendi, c'est quelqu'un qui m'a dit: je suis pas capable d'écouter ton show le soir si je barre pas la porte et je ferme pas les fenêtres avant. Là, on est en été, là, il fait 40 degrés, puis la personne qui est un adulte, là, ça pourrait être mon père, qui me dit: je suis pas capable d'écouter le show si je ferme pas les fenêtres avant. Ben moi, honnêtement, je vais te le dire live là. Des fois, je l'écoute en prenant ma marche le soir. Puis, il faudrait pas que je voie quelqu'un à la fenêtre d'une maison qui me regarde marcher. Ben, tu sais, quelque chose de même, tu sais, quelque chose de freak, là. Tu sais, fallait que quelqu'un passe en arrière de moi, tu sais, un coureur ou quelque chose comme ça, là, je te ferais un estitio parce que je vis pas d'un quartier glauque ou quoi que ce soit, mais c'est un quartier qui est vraiment tranquille. Fait que quand je marche, je rencontre personne. Fait si je deviens, je reste vraiment dans ma bulle. Là, là. C'est pas comme si j'allais marcher sur une Sainte-Catherine ou une pointe même. Là, là. Ma bulle. Ben, je pense pas que ma deuxième saison va t'aider. OK. Ben, parce que quand je dis famille, communauté, pense communauté, on réalise vite que ton petit voisinage peut vite se transformer en cataclysme. Ça prend pas grand-chose. Et les monstres, je le dis souvent, là, ça fait quasiment partie des thèmes du show, là, mais les monstres, c'est toi et puis moi. C'est des gens comme nous autres. C'est pas... extrêmement rarement des créatures de films d'horreur avec des cornes puis des c'est des humains comme toi et moi puis tu parlais de l'approche tout à l'heure, ben c'est ça, tu sais, c'est bien beau raconter des histoires de fantômes puis de monstres, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les monstres derrière les masques, c'est des humains. Fait que c'est ça qu'il faut raconter, tu sais. Une chance que tu as ta petite chronique nécrologique en plein milieu, là, ton petit... comment ils appellent ça? Quasiment les Darwin Awards. Là, ça ressemble un peu à ça. Ça fait penser un peu à ça. Ta petite mort cocasse. Mais c'est pas tout le temps de leur faute. Non, oui, c'est cocasse, mais c'est pas toujours de leur faute. Je pense à... Ben, déjà, dans cet épisode-là, je mentionne... je te le spoil, je m'excuse. Ben oui, mais bon, c'est pas nécessairement le plus spectaculaire de la saison non plus, mais je vais juste mentionner, je pense que c'est André Trébuchet, ou Trébuchon, pardon, Trébuchon. C'est juste le dernier soldat français à mourir avant le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale. Fait que tu sais, lui, là, il est mort 5 minutes avant. Oh God. Avant le cessez-le-feu. Fait que tu sais, c'est pas si extraordinaire comme anecdote, mais c'est le fait que 5 minutes plus tard, puis il serait pas mort. Oh God. Ça fait toute la différence. Ouais. Fait que c'est juste intéressant des fois comme ça, mais. Ouais, ben c'est ça. Fallait mettre un petit brin pour te détendre entre deux histoires. Là. Ouais, c'est comme quand tu vas dans un restaurant, tu fais une cuisine puis te donne un granité entre les deux plats. C'est pour nettoyer tes papilles. Bon, c'est pour nettoyer reset. Tes oreilles. C'est un petit exact. Reset, là. La tension en fait pfff. Puis après ça, exact. Voilà. Ben, écoute, c'est bon, combien d'épisodes pour la deuxième saison? Ben, attends une minute. 13 épisodes que j'ai préparés. Ouais. Puis c'est tout est connecté. Hein. On commence avec l'épisode 13, puis il va en avoir 13. Puis. Oh! Non, non. je suis sûr que t'as déjà en plus des histoires pour une troisième saison. J'espère. Dis-moi ah oui. Il y en a une qui m'empêche de dormir en ce moment. Ah, OK. Ah, oh, man. C'est con, hein. Ma deuxième saison n'est même pas faite. Elle est écrite en partie. J'ai la moitié des épisodes d'écrit, mettons. Là. Mm-hmm. Mais. Je la commence là, puis je suis déjà en train de faire des cauchemars avec mes histoires pour la troisième saison. J'ai une histoire, là, j'aimerais tellement ça vous la raconter, mais je vais la garder pour moi. Garde-la. Mais toute façon, on va se parler pour la troisième saison, puis j'essaie ben de voilà. pas spoiler rendu là. Mais c'est parce que c'est un thème, en fait. C'est juste parce que c'est un thème qui est déjà dans ma deuxième saison. Fait que je ne vais pas me répéter. Donc, je la garde pour plus tard. Mais c'est, les images de cette histoire-là m'habitent. Puis ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Donc, ouais, j'étais excité de la raconter. Mais il va y avoir toutes sortes de choses encore cette saison aussi. Qu'est-ce que j'ai? Genre un épisode western. Hey, ça, je vous le spoil. Prochain épisode, épisode 2. Pas au complet, là, mais on va avoir des histoires western. ouais. Puis, ouais, c'est ça, j'aime ça, aller chercher les bonnes ambiances. Là tu sais, avec les nouveaux comédiens, puis tout ça, j'essaie des affaires. Moi, je suis pas habitué. Moi, je mettais de la musique, puis je parlais par-dessus, c'était réglé. Mm-hmm. Là, je vais essayer de mettre des ambiances. Fait que là, aller chercher des sound effects, puis tu sais, reproduire des scènes. Pas habitué tant que ça. Je l'ai fait un peu avec Moïse, mais. Fait que c'est ça. On sait pas trop ce que ça va donner. J'espère que vous allez aimer ça. On verra bien. Écoute, t'as lancé un call. On va finir avec ça. Là. Je sais pas si je suis en train de t'arracher vers le mais il y a quelque ça, chose. T'as fait un call à un moment donné, parce que tu parlais d'un joueur de piano. Le joueur de piano? J'avais l'impression que tu voulais nous faire un Ars Moriendi live à un moment donné. Sur scène, non? Ah! Ben, c'est parce que ça fait longtemps. Ah, boy! C'est parce que ça fait longtemps que je jase avec Distorsion. Oui. Il y a une espèce de bromance entre Distorsion et Ars Moriendi. Là, disons qu'on s'entend bien. Puis là, on veut monter un spectacle live dans le fond des podcasts, juste parce que c'est le fun de faire ça, tu sais. On veut l'essayer, quelque chose qu'on a jamais fait avant. Mais tu sais, on est tellement occupés dans nos vies qu'on manque de temps un peu. Là, on s'était promis pour... on n'arrête pas de se promettre des dates et on repousse tout le temps, anyway. Je voulais essayer de faire ça avec de l'ambiance musicale au piano live, mais j'ai beaucoup de misère à trouver un pianiste qui est disponible parce que, bon, je veux pas juste quelqu'un qui joue du piano, je veux quelqu'un qui joue bien du piano. Ben oui. Puis, ben, ceux que je connais, ben, c'est des professionnels. Fait que, tu sais, venez faire un petit show. Tu sais, on fait quoi comme tune, tu sais? Faut qu'il y ait pratique, faut qu'il y ait trop, puis tout ça, ben c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça, tu sais. Fait que j'ai d'autres idées d'affaires de la même un peu, mais puis j'ai mon histoire depuis longtemps, juste pour le live, que je garde pour ça aussi. Cool. Mais je sais pas quand ça va s'en venir. Là. Les choses se jasent, puis ça évolue, mais on sait pas toujours qu'est-ce que ça va donner. Là, tu sais quoi? Semblais avoir quelque chose à me dire. Ben. C'est pas quelque chose qu'on fait dans les entrevues normalement, mais comme tu l'as pas encore écouté l'épisode, c'est quelque chose que tu es sûr que tu aurais voulu jaser. C'est parce que mon premier épisode de deuxième saison, je la commence avec une réflexion. Puis il y a trois personnes aujourd'hui qui m'ont posé des questions sur cette introduction-là. Okay. Fait que je sais que tout le monde va avoir des questions. Fait que oui, non, trois fois. Oui, c'est ça les réponses aux questions que tout le monde se posait. Merci, oui, bonne non, soirée. Trois fois oui, ok, je pense non. Ok. Non, je déconne, mais en fait, c'est ça, je commence la saison avec une espèce de petite réflexion sur pourquoi on est tant fasciné par le true crime, puis le macabre, puis tout ça, parce que c'est la question qu'on m'a posée le plus souvent durant la première saison, quand j'étais dans des conversations avec des amis ou quelque chose, tu sais, puis je savais jamais quoi dire, fait j'ai décidé de partir ma saison avec ça, une réflexion là-dessus. J'ai fait un peu de recherche. Puis, en fait, moi, cette année, j'ai découvert quelque chose que je traînais depuis longtemps, une dizaine d'années, en fait. Puis c'est ça que je le raconte dans l'épisode. C'est d'ailleurs pour cette histoire-là que j'ai changé un peu mon logo, que là, il y a des corbeaux dans le logo d'Ars Moriendi, sont ajoutés au générique un peu aussi. C'est que, je vais la résumer, mais j'avais vécu un moment avec des corbeaux dans le bois quand j'habitais à Tofino sur l'île de Vancouver. On habitait vraiment dans le bois, dans des petits campements fabriqués de nos mains en bois. Okay. Et bon, ben hippie, là. Mais maintenant, il y a juste un paquet de corbeaux qui sont mis à s'énerver. On les a trouvés dans le bois, puis on s'est rendu compte qu'ils étaient dans les branches, en cercle, en train de crier, en train de regarder un autre cadavre de corbeau à terre. Puis j'ai découvert, en fait, ça m'a pris 10 ans avant de trouver, puis on s'entend que j'ai pas fait de recherche assidue là-dessus tous les jours, là. Mm-hmm. Mais bon, je suis tombé sur l'anecdote cette année. Puis finalement, ces corbeaux-là apprennent de la mort de leurs semblables. Fait qu'eux autres, à ce moment-là, ils étaient en train d'étudier le décès d'un autre corbeau pour comprendre, bon, il vient d'où le danger. Le volume de leur croissement quand ils font ça aussi, ça va être la quantité de volume, le niveau, pas de volume, mais le niveau de danger. Genre, plus haut est le danger, plus fort est les croissements, tu sais. Puis, je trouvais que c'était intéressant parce qu'à mesure que je faisais mes recherches pour pourquoi on aime ça, ben, je réalisais que c'était pas mal la même chose que les corbeaux, dans le fond. Oui, il y a une fascination morbide. Oui, on a du plaisir. Il y a de l'adrénaline. Tout le kit. Oui. Il y a de la mais c'est notre curiosité, dans le fond. On veut comprendre ce qu'on comprend pas. Et ces gens-là, tu sais, les criminels, là, au sens large, ben, tu sais, c'est un peu comme une version de nous autres qui ne respecte pas la loi et qui fait ce qu'il veut, en quelque sorte. Puis, tu sais, nous, on se demande tous, tu sais, c'est quoi, dans le fond, faire ce qu'on veut? Puis, on regarde ces gens-là, puis aussi extrêmes et horribles soient-ils, c'est des gens qui font ce qu'ils veulent. Puis, ça nous fascine, ça. Puis, on veut comprendre aussi la mort, tu sais, c'est le plus grand mystère de l'humanité, on va se le dire, tu sais. Puis, on veut comprendre, c'est pour ça qu'on les étudie, dans le fond, autant, puis c'est pour ça qu'ils nous fascinent, puis c'est pour ça qu'on ralentit qu'il y a un accident d'auto. On n'en a pas vu souvent, des accidents d'auto, on veut voir, on est curieux, tu sais. D'un coup, on verrait quelque chose qu'on n'avait pas eu le droit de voir, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, on veut tous voir un peu de sang à un moment donné. T'sais, tu me fais penser à une anecdote qui s'est passée dans le parc des Laurentides cet hiver, où que on prenait, moi et ma copine, puis on a vu dans le fossé une camionnette renversée, puis... je suis débarqué pour aller voir qu'est-ce qui se passait, puis donc, je suis débarqué en même temps qu'un camionneur, puis on est allé voir. Puis moi puis le camionneur, au moment de traverser la camionnette, parce qu'on voyait personne, tu sais, au moment de traverser la camionnette, parce qu'on se disait, si on voit quelque chose, c'est là, on a pris tous les deux une pause, tu sais. Puis il fallait, puis c'est fou, parce que pour aller de l'autre côté de la camionnette, il fallait sauter un ruisseau. Fait que c'était comme, il y avait la barrière, puis il fallait sauter de l'autre côté, physiquement. Comme faire comme, OK, et là, la barrière, si je saute, je vois un cadavre, parce que là, il n'y a personne qui nous répond. Finalement, il n'y avait personne. Probablement que ça faisait longtemps que le monde était parti. Mais quand on s'en est reparlé, moi, puis le camionneur, on a comme fait, toi aussi, à ce moment-là, tu te disais, ça y est, là. On va voir quelque chose qu'on ne veut pas voir, là. Tu sais? Mais en même temps, tu fais comme, fuck, je vais le voir, ça va arriver, c'est là que ça se passe. Ah, c'est rough, là. Mais en même temps, il y avait cette fascination-là de, oh shit, OK, d'habitude, il y avait une couverture dessus, mais là, il n'y en aura pas. Là, mais non, c'est ça, quand ça arrive, on ne veut pas. On veut le vivre, mais on veut... Non, c'est pas ça. On veut le voir, mais on veut pas le vivre. Exact. Fait que, tu sais, on veut se faire raconter. On veut avoir une photo, mais on veut pas être présent quand ça arrive, tu sais. Il y a une nuance à faire, tu sais. Mais... et puis ça, d'ailleurs, ça, c'est une autre affaire que j'ai pas beaucoup parlé encore. Je l'ai juste dit une fois sur Facebook. Mais je vais avoir des entrevues pour cette saison-ci. Oh, cool. Ça n'affectera pas les épisodes réguliers. Ça va être comme des épisodes qui vont sortir, je pense, une fois par mois, mais je me mets pas de date parce que comme ça, ben, je suis pas stressé à courir, j'en ai assez ses épaules, là. Mais ça va être des témoignages, en fait, de personnes qui ont des histoires pas faciles, on va se le dire, là, qui ont vécu l'horreur à différentes échelles, parfois tragiquement, mais parfois professionnellement. Des gens qui ont des métiers ou qui côtoient la mort ou la folie tous les jours, puis c'est leur pain quotidien, puis pour nous autres, ben, c'est nos pires cauchemars, tu sais. Ça va être le fun. Le fun, c'est vite ça. Dit, là, parce qu'à date, c'est un peu rough. Mais, puis là, je me demande, je vais vous en dire deux. Je vais vous en dire deux. Le reste, ce sera des surprises. Je vais avoir une petite entrevue avec une survivante de la Polytechnique. OK. De la tuerie de Polytechnique. Et je vais avoir une entrevue avec une ex-répartitrice du 911. Là, je suis en négociation avec d'autres gens aussi. Il y a des affaires que je peux pas dire parce que s'ils décident de dire non... Ben, il faut même pas que ça sache que ces gens-là existent. Mais je vais juste dire ça parce que moi-même, j'ai de la misère à le croire puis je trouve ça excitant. Mais faites-vous pas d'idée, là. Je pense pas que ça va fonctionner. Mais en tout cas, je suis en négociation avec des motards en ce moment pour une entrevue. Mais j'en dis pas plus parce que je veux pas me mettre dans la marde. Mais en fait, je suis chanceux, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Puis son histoire est intéressante. Fait que, tu sais, ce que je veux, c'est des portraits vraiment de ces personnes-là. Donc, pas nécessairement, je veux pas juste « Ah ouais, fait que là, il est arrivé ça. » Non, non, c'est pas, on m'entendra pas dans les entrevues. Là. Ça va être vraiment juste des gens qui vont nous raconter un morceau de leur histoire. Puis là, j'espère que ça va être aussi intéressant que je l'imagine. À date, j'ai seulement une entrevue de fait, mais je capote cette entrevue-là, mais ça, cool. C'est moi. Là. C'est moi qui l'ai faite, c'est sûr que j'ai eu du fun. Là. Mais on va voir. Il y en a qui ne seront pas faciles. Mais c'est ça. J'ai bien hâte de partager ça avec vous parce que, tu sais, c'est le fun de se raconter des histoires théâtrales, mais à notre façon, on en a tous vécu des tragédies. Puis ces petites histoires-là, tu sais, ça sonne gros, le moteur, la polytechnique, mais on va en avoir des plus petites tragédies aussi méconnues, des gens qui ont vécu des affaires juste pas cool là, ou là, des périodes difficiles. Puis, c'est une façon de... C'est une autre manière d'en apprendre plus sur nous-mêmes, je pense. Je pense que ça va être le fun. J'espère que vous allez aimer ça. Ben, moi, je suis même pas inquiet qu'on va aimer ça parce que, écoute, je regarde l'heure et je me dis, j'ai peut-être le temps d'écouter l'épisode direct quand on va finir l'entrevue. Fait que je pense bien que c'est ça qui va se passer. Ma blonde va se coucher bientôt. La petite dort, ça va être parfait. Fait que, Simon, écoute, je te remercie vraiment pour cette entrevue-là. Je te souhaite ton succès parce que on s'entend, là, à Ars Moriendi, la première saison a quand même eu un très grand succès. Là. Rapidement, je l'ai vu passer partout. Tu sais, je me disais, OK, il y a vraiment plein de monde qui le mentionne. C'était génial. Ça... Puis c'était vraiment pas. Beaucoup de chance. C'était mérité. Bon, c'est ça que je voulais dire. C'était très mérité. Fin. Et je te souhaite encore beaucoup de succès pour la deuxième saison. Je suis sûr que. Écoute, tu me mets l'eau à la bouche avec tout ça. Puis, ben, je voulais juste que tu nous mentionnes rapidement les oubliettes. Ah, ben, ou les oubliettes aussi, ça, c'est bon. Ben oui, ça continue. C'est mon podcast sur le cinéma de genre que je fais avec mon petit meurtrier à moi, l'incisif Olivier Bigonès. On parle de vieux cinéma de genre, du cinéma oublié. Ça fait environ 3 ans qu'on fait ça. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je fais Ars Moriendi aussi. J'aime ça raconter les histoires de plateau, puis l'histoire derrière le tournage. Puis tu regardes tous les films d'horreur qui sont grandement inspirés de cas réels. Tu regardes le cas réel, puis le film, c'est un film de Disney à côté de la vraie histoire. T'sais. Bon, je suis parti comme ça après ça pour séparer les deux. T'sais. Mais j'ai toujours beaucoup de fun. Olivier, pendant un bout de temps, il avait peur qu'avec Ars Moriendi, je vais lâcher les oubliettes. Mais je pense pas que je pourrais faire ça. Là. J'ai bien trop de fun encore avec Olivier. Fait que ça, c'est ça va être chaque semaine. Je sais que pendant un bout de temps, on a été aux 2 semaines parce qu'on était débordés, mais là, ça va revenir chaque semaine. On a trouvé un compromis. On a moins de chroniques à faire. On a des chroniqueurs invités, Esther. Oui, c'est vrai, avec entre autres la gang de l'horreur Québec. Maudite belle collaboration. Ça s'est juste fait de même, genre juste sur le bout de la table. Hey, viendriez-vous? Ah, hey, ben oui. Fait que c'est ça. Puis on est bien contents. Ça ajoute un volet actualité au show qu'on n'avait pas du tout, en fait, mais qui est toujours intéressante, tu sais. Il y a plein de nouvelles affaires qu'on sort, puis qui sortent, je veux dire. Puis, tu sais, vu qu'on est un show de vieux films en général, sauf pour la couverture des festivals, ben, on passait à côté de bien des affaires intéressantes qu'on a le goût de jaser. Ouais. Fait que juste. Petite chronique de nouvelles aux 2 semaines, c'est le fun. On a Laurence Côté-Collins, réalisatrice qui a réalisé son premier long métrage l'année dernière, Écarté, réalisatrice aussi d'Un souper presque parfait. Elle va venir nous parler de films de drogue. Là, elle a juste à la date de fête, elle a fait son intro avec le classique Reefer Madness. Bien hâte de voir ce qu'elle va nous amener la prochaine fois, mais film de drogue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, je risque d'avoir d'autres chroniqueurs plus occasionnels qui vont venir de temps en temps quand ça leur adonne. Fait que tant qu'ils ne sont pas venus une fois, ben je les nomme pas. On verra. C'est bon. Puis ceux qui se disent je commence par quel épisode, allez voir les épisodes de Fantasia. Steven est là. Fait que vous ne serez pas trop divisés. voilà. T'sais, au final, c'est moi et Oli, puis des fois des amis qui viennent, puis on jase de vieux films, puis des ceux qu'on est beaucoup dans le cinéma d'horreur, mais t'sais, on a le cinéma de genre au sens large. J'aime ça parler de VHS insolite, puis de genre de films. J'ai fait l'histoire du cinéma western un peu il n'y a pas longtemps. On a raconté, on a déjà raconté l'histoire de voyons, comment elle s'appelle? Un blanc, là. L'actrice porno, là, en tout cas. Pourquoi j'ai un blanc? La fille, là. La Elle fille, avait des là. cheveux, je pense. Voyons. En tout cas, celle qui a des cheveux, là. Ouais. Et, voyons, j'ai une collection de TVHS. J'ai vraiment un blanc de fatigue, là. Ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, bon, dans le sens qu'on va parler de porno de temps en temps, on va te parler de. Tu sais, on aime ça se promener un peu, comme ça, ça met de la diversité, puis ça nous force pas à écouter un film d'horreur chaque semaine, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais. En tout cas, on s'enligne, nous autres, on va être de retour première semaine de février. Ben, premier mardi de février. Donc, on va être de retour en ondes. D'ailleurs, avec Marc Boisclair de Horreur Québec, qui va. Je pense qu'il. Oh non, je le dis pas. Okay. On écoutera ça. C'est ouais. À ne pas manquer non plus à mettre dans votre liste de podcasts après avoir rien dit. Justement, ça, ça vient faire baisser aussi la. L'attention. Pas mal plus léger. Ben écoute, Simon, je te remercie vraiment beaucoup. Puis, hey, merci à toi, Seb. C'est pas la dernière fois qu'on se parle. On s'en rejoint bientôt non. Pour la troisième saison, je suis sûr, parce que, écoute, après la deuxième, peut-être que tu as tendu trop big et tu n'auras plus de temps pour nous autres, mais. Bon. Des choses qui arrivent quand on a un succès comme ça entre les mains. Puis, Ben non. Que... Moi, je le vois pas du site, là. C'est très, très, très, très, très... Je pense que c'est arrivé une fois, je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais pas qui me disait « Hey, j'aime ça, ça m'a rien dit. » Je suis pas... Je reste le petit gars chez nous, là. Moi, je fais la même affaire que tout le monde. C'est le gars avec les histoires débiles. Regarde-les pas dans les yeux. Non, j'espère que non, puis en même temps, je trouve ça drôle. Mais, je suis tellement pas épeurant en réalité. Je penserais pas. Mais bon, c'est normal, hein. C'est le podcast, hein. C'est le projet artistique de l'ombre. On ne nous voit pas bien. Non, c'est ça. C'est pas correct de même. Ben oui, écoute, on peut continuer notre petite vie bien simple. Ben fait, oui. Écoute, Simon, je te souhaite une bonne fin de journée, bon succès, puis on se reparle très bientôt. Ciao, salut, ciao. La gang. Merci beaucoup. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bonjour, bonjour, ici Jean-François Tremblay au micro, en remplacement de Sébastien Bouchard. Vous écoutez Horreur Gamer, l'épisode 104, et en ma compagnie ce soir, pas trois autres personnes, pas deux, non, une seule personne assez brave pour m'accompagner dans mon trip de deux films fuckés. Ce soir, j'ai avec moi Vicky Langlois. Salut Vicky! Salut! Comment ça va? Hey, ça va super bien. Je suis crinquée pour ce podcast. Crémouille, tu verras pas ça venir. Ah ouais, crinquée. Tant que ça. Pour ces deux films-là. Pour ces deux films-là, ben un des deux, parce que je vais te dire franchement, le premier, je me souviens de fuck out. Okay. Genre, oui, de fuck out. Puis je l'ai écouté cet après-midi, là. Il est 8h30, on enregistre, et je l'ai écouté. Ah, c'est pas vrai, pas cet après-midi, ce matin. Je l'ai écouté à 11h ce matin. Et je me souviens de Sweet Fuck Out. Ça va être beau. Ça va être beau à soir. Ça va être magique. Ben, justement, à soir, on vous parle de deux films que j'ai choisis, qui s'appellent... le premier s'appelle Shanks, de 1974, puis l'autre, c'est Half-Light, de 2006. Je peux bien en parler tout de suite. En fait, j'ai choisi ces deux films-là, puis tu m'as écrit me dire, ah, t'as beaucoup d'affaires à justifier. en fait, le thème... Très libre, l'épisode, c'est la manipulation. C'est ça que je voulais... Quand j'ai lu le résumé de Shanks, tu sais, puis Shanks, bon, c'est un gars, vite de même, là, tu sais, qu'on en parlera tantôt du résumé, mais c'est un gars qui manipule des cadavres comme des marionnettes. Ben, je me suis dit, ah, il y aurait peut-être moyen de faire de quoi d'autre avec la manipulation, mais dans un autre sens, tu sais. Puis là, je me suis mis à penser au film Gaslight, que je n'ai déjà parlé de ce film-là de temps en temps sur le podcast. Audrey l'avait écouté, notre collaboratrice avait écouté Gaslight, tout ça, film des années 40, puis elle avait beaucoup, beaucoup aimé. Puis c'est ça, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Puis le terme gaslighting est un terme qui est rentré dans le dictionnaire depuis que le film existe. Puis en gros, le gaslight, ça veut dire... si je prends l'histoire du film Gaslight, en gros, c'est un gars qui se marie avec une femme, puis elle a décidé d'aller habiter avec lui. On en a déjà parlé, je l'avais... C'est ça, ben, elle se met à entendre des choses, des bruits, à avoir des visions de fantômes, des trucs comme ça, puis elle en parle à son mari, puis lui dit, ben non, ça se peut pas, c'est dans ta tête, puis tout. Puis elle se met vraiment à penser que c'est peut-être dans sa tête, puis qu'elle est peut-être folle, mais pourtant, elle voit tout ça, puis elle entend tout ça, puis c'est lui, en fait, qui crée tout ça, mais qui la convainc qu'elle est folle. T'sais. C'est un peu ça du gaslighting, puis je me suis dit, tiens, si je pouvais trouver un autre film, même si... Notre gang, on n'a pas encore vu Gaslight, on n'en a pas parlé dans un épisode. Je voulais trouver d'autres choses, en fait. Fait que je me suis dit, bon, je vais checker des listes. Puis dans une liste de films de gaslighting, j'ai trouvé Half-Light. Fait que là, puis les commentaires sur IMDb étaient tout dithyrambiques, c'était tout merveilleux, le film est extraordinaire. Fait que je me suis dit, OK. Répète ça, ouais. Je dis, attends, on va en parler tantôt de ça. De tes commentaires, là, on va en parler. Même si. T'as fait ça à couper, excuse. Même de ça, je suis pas d'accord. Fait que c'est ça, en gros. Ce soir, Steven n'est pas avec nous autres. Je pense qu'il a encore mal à la gorge. Il vient de faire deux gros épisodes de 3 heures chaque avec séance de minuit. Fait que c'est énorme, tu sais. Non, mais je pense que c'est pas juste à cause de ça. Mais si vous vous ennuyez de Steven cette semaine, allez écouter sur séancedeminuit.com le podcast qu'il fait avec Marc-Antoine Labonté et Jean-François Ouellet. Ils ont un épisode bilan 2017 de tous les meilleurs films d'horreur. Puis le plus récent épisode, c'est un épisode sur le bilan 2017 général. Les deux épisodes durent 3 heures chaque, fait que vous en avez en masse de Steven. Puis, vous l'avez sûrement remarqué au début de l'épisode, il y a eu une entrevue. On n'a pas commencé direct sur notre épisode. Une entrevue avec Simon Predge c'est Sébastien, en fait, qui a parlé avec Simon Predge pour parler de la nouvelle saison du podcast de Simon qui s'appelle Ars Moriendi, qui, mea culpa, je ne l'ai jamais écouté, fait que je pense que c'est des histoires... Excuse-moi, Vicky, ça coupe quand je parle. Moi, je l'ai écouté. OK, ben, veux-tu en parler 2 secondes? Ils viennent d'en parler dans l'entrevue, mais veux-tu en parler 2 secondes? En tant qu'auditrice, en fait, parce que je ne sais pas la teneur de l'entrevue, je n'y étais pas. Mais en tant qu'auditrice, c'est très différent de ce que Predge nous a habitué avec les oubliettes. Très, très différent. Je n'ai déjà parlé avec Predge, donc je suis très à l'aise de dire parfois son ton dans les oubliettes me gossait. J'avais de la misère, fait que quand il m'a dit Ars Moriendi, j'ai dit « Ah ouais, mais tu sais, j'aime bien. » Puis il m'a dit « Non, essaye-le, j'ai vraiment travaillé mon ton, j'ai travaillé ma sono et tout. » Alors je le pars et je suis devenue totalement accro à son podcast. C'est un podcast hyper intelligent, hyper travaillé. On voit qu'il y a du temps mis là-dedans, donc en tant qu'auditrice, je vous le conseille énormément. Donc oui, Fred, je vais prendre une histoire vraie qu'il va nous raconter. Donc, il va prendre un meurtrier, un phénomène, quoi que ce soit, un mythe, et il va nous le raconter avec de la musique et des ambiances sonores, et c'est parfait. On sent vraiment autour du feu avec lui, on sent dans son studio avec lui. C'est incroyable. Ce podcast-là est vraiment un must, et surtout que c'est différent. Tu sais, pour écouter beaucoup de podcasts de boys qui parlent autour d'une bière ou de podcasts de cinéma, là, on est vraiment ailleurs. J'ai jamais vu un produit similaire à ce que Predge nous offre avec Ars Moriendi. Nous autres, on fait jamais ça, parler de cinéma autour d'une bière. Ben, on le fait, mais on se différencie pas tant que ça. Moi, tout, j'ai mon verre de vin. Ils le font. J'adore notre podcast, puis je trouve qu'il devrait être plus écouté parce qu'on est quand même très spécialisé, puis on est des têtes différentes. Les 4 membres autour, on est vraiment des têtes différentes à avoir gamer, puis je pense qu'on devrait avoir plus de visibilité pour notre podcast. Je suis vraiment là-dessus. Mais reste que Ars Moriendi, c'est très, très différent. Vous n'avez pas entendu ça ailleurs. Peut-être dans des podcasts anglophones, j'en écoute pas, mais au Québec, il n'y a pas d'autres podcasts comme le sien. On trouve où son podcast? Son podcast, ça s'appelle Ars Moriendi. Ars, ça s'écrit A-R-S. Fait que déjà en partant, si vous cherchez Ars Podcast, ça va être le premier qui va sortir. Sinon, arsmoriendipodcast.ca. Il se retrouve aussi sur Google Play, sur iTunes. Donc, vous devriez être capable de le trouver sur toutes les applications podcast. Moi, je l'ai avec mon application Pocket Cast. Là. Fait que il y a un fil RSS, donc c'est super facile à trouver dès que vous avez une application podcast. Ou sinon sur son site internet où on peut télécharger son MP3. Good. Puis comme je parle vite des fois, je répète pour le podcast à Steven, c'est séancesdeminuit.com. Puis t'avais-tu des choses à plugger pour la capsule ou quelque chose du genre? Non, pas vraiment, mais j'ai écouté un podcast tantôt qui m'a inspiré une idée, fait que... À suivre, d'accord. Ben là-dessus, on va écouter la petite madame qui crie pendant deux petites secondes, puis on revient tout de suite avec Shanks. Tu disais qu'on est un podcast unique, ben je pense que justement, il n'y a personne, je connais aucun podcast qui parle du film Shanks. Le film Shanks, c'est un film de 1974 qui met en vedette Marcel Marceau, plus connu mondialement pour être un mime, pour avoir été un mime. Il est mort en 2017 à un âge très vénérable, mais c'est ça, c'est un mime très très célèbre dans le monde entier, mime français. Le film a été réalisé par William Castle, le réalisateur du film House on a Haunted Hill. C'est son dernier film en carrière et ça raconte en gros l'histoire de Malcolm Shanks, un clown, mime, muet, en fait pas mime, mais clown, marionnettiste, c'est pas vraiment un clown, c'est marionnettiste, muet, sourd, qui vit avec sa sœur et le mari de sa sœur, qui l'abusent et qui sont vraiment très chiants avec lui, et son meilleur ami est un vieux professeur fou, qui a trouvé le moyen de raviver des corps morts, en commençant avec des grenouilles, puis des poules, des trucs comme ça. Puis quand son vieil ami meurt, ben Malcolm Shanks décide de se servir du système pour raviver le corps de son vieil ami. Quand je dis qu'il ravive les corps, c'est qu'il sert de petites, je sais pas trop quoi, des petites diodes, je sais pas trop quoi, pour électrocuter le corps. Puis après ça, il y a une télécommande là, pour les... le faire fonctionner. Fait que c'est ça, quand son vieil ami meurt, ben il s'en sert pour ranimer son corps, puis l'utiliser un peu comme une marionnette. Puis après ça, tu s'ensuit une série de différents décès dans le film qui vont mener Malcolm à avoir plusieurs petites marionnettes, plusieurs marionnettes grandeur nature. Et il y a aussi une histoire que j'ose pas trop qualifier d'amour, mais c'est vraiment bizarre, creepy. Avec un Marcel Marceau qui a 51 ans, puis la fille, elle a 16 ans, l'actrice. C'est assez bizarre. Fait que... Puis là-dedans, il y a une gang de motards aussi. Fait que ouais. C'est ça le film. La gang de motards, en fait, moi, je me suis demandé si Georges Romero avait pas été inspiré par ce film-là. Je le sais, c'est dans mes notes! C'est dans mes notes de parler de la gang de motards et faire un lien avec Dawn of the Dead. C'était à la fin du film, là, mais tu sais, c'était, j'étais là, je le regardais, j'étais comme, moi, je pense qu'il a vu ce film-là, moi, avant d'écrire l'autre. C'est tellement pareil. Ah. En tout cas, mais tu vois, tu l'as écouté ce matin, moi, je l'ai écouté en deux bouts. Je l'ai écouté hier soir, après avoir écouté Half-Light, puis j'ai écouté 40 minutes, puis je cognais des clous, j'étais plus capable. Mais c'est... J'ai envie de dire que c'est pas à cause du film tant que ça, mais oui, un peu. Le film est plate, mais j'ai de la misère à l'avouer. J'ai de la misère à le dire parce que, overall, j'ai trouvé que c'était un film qui est tellement unique et il y a quelque chose de vraiment tellement artistique dans ce film-là, tellement... Mais c'est tellement corny en même temps, c'est tellement cucu, puis con, puis c'est qualifié comme... Tu sais, ça rentre... C'est sous la balise des films d'horreur, mais c'est tellement pas un film d'horreur. C'est aussi horrifique qu'un épisode de Scooby-Doo, là, tu sais, mais... Moi, j'étais fasciné à regarder Marcel Marceau juste performer, tu sais. Puis c'est lui aussi qui fait le vieux monsieur. Il fait deux rôles là-dedans. C'est lui qui fait le vieux monsieur, puis de le voir en marionnette, puis de le voir bouger, puis de voir comment il utilise son corps, moi, ça me fascine, parce que je peux pas dire que j'ai été tant fasciné par ça dans ma vie, par Marcel Marceau, mais ça reste que c'est un grand, grand interprète dans l'histoire du théâtre et du mime. Fait que juste de le voir faire tout le long du film, tu sais, puis de voir juste comment est-ce qu'il positionne son corps, autant quand il manipule la marionnette que quand il fait la marionnette du vieux monsieur, ça, je trouvais ça fascinant, de voir l'autre couple aussi, ben tant qu'à ça, on va spoiler un peu, mais c'est c'est sa sœur et son beau-frère qui vont finir par devenir des marionnettes aussi. De les voir danser, puis bouger, puis tout ça, puis oui, c'est ridicule, puis en même temps, il y a quelque chose là-dedans, je veux dire, ça prend des acteurs qui sont un petit peu des danseurs, ou un petit peu des, en tout cas, des interprètes très physiques quand même. Puis tout le long du film, je me disais, tu sais, il y aurait une compagnie de ballet qui déciderait d'adapter ce film-là, ça marcherait quasiment. Genre, à l'Halloween, là, tu ferais une compagnie de ballet qui décide de faire un petit truc d'une heure avec cette histoire-là, là, juste en musique puis en danse, puis ça pourrait fonctionner. Il y aurait quelque chose à faire là-dedans. T'sais. Mais en tant que film, c'est une heure et demie, mais c'est vraiment trop long. T'sais. Tu pourrais tout condenser ça en 45 minutes facilement. Il y a des scènes où ce qui se passe, pas grand-chose. Il fait juste manipuler ses marionnettes, puis les marionnettes font rien d'intéressant, t'sais. Comme quand, briser des disques, des 78 tours, ou bien, juste danser sur place. Mais il y a des grands bouts de vide où ce qui se passe pas grand-chose. La musique est vraiment pas extraordinaire. T'sais, c'est un film un peu fait à la manière d'un film muet avec des intertitres, puis de la musique. Puis je trouvais que la musique était... C'est très de son époque, là. C'est beaucoup de synthétiseurs, mais c'est pas super bon. Puis j'ai lu sur IMDb que le compositeur avait soumis certains de ces airs-là pour faire la soundtrack de 2001 de l'Odyssée de l'espace, en 68, puis ça a été rejeté. Puis ils auraient utilisé dans ce film-là. Fait que j'étais comme, je comprends pourquoi ça a été rejeté, c'est vraiment pas super bon. Mais non, c'est ça, c'est puis t'as toute la passe à la fin avec les motards, que c'est tout est très cucu dans le film, tu sais, le combat sur le haut du mur du château, puis tout est super cucu, les arrêts sur image, puis toute l'histoire de la petite fille, puis mais il y a quelque chose aussi des fois de malaisant puis de creepy. J'étais comme, tu sais, quand il fête la fête de la petite fille, puis j'étais comme, il fête la fête de la petite fille. Elle vient de battre triper une scène ou deux avant, en sachant que les deux personnes dans le champ qui la faisaient rire, ben, sont morts finalement, c'est des cadavres. Puis là, suite après, il fête son anniversaire en lui offrant un gâteau qui est servi par ces mêmes cadavres-là. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans cette histoire-là, puis de malsain, puis... Puis sans parler de sa relation juste avec elle en tant que telle, là, comment est-ce qu'il se donne des petits becos, puis tout, puis comment est-ce qu'il... Elle le regarde avec un regard tellement intense, puis amoureux, puis... Ah, c'est étrange. J'avais vu que ce film-là était étrange, surréel, bizarre, tous les qualificatifs possibles, tu sais, puis j'étais comme, ouais, ça rentre dans tout ça, là. C'est vraiment bizarre comme film, tu sais. Toi, tu disais que t'en avais pas grand-chose à dire, fait que... C'est plate, c'est épouvantable, comment c'est plate, ce film-là, il se passe rien! Non, c'est pas vrai, il se passe pas rien, mais comme tu dis, en une heure et demie de film, il se passe du stock pour 35 minutes. Ouais. Le film se veut une espèce d'hommage au film noir, au film noir et blanc, hommage à la pantomime, hommage au ballet, mais il sait pas lequel hommage préféré, fait qu'il fait tout. Mais dans la même scène. Fait que c'est lourd, mais c'est lourd. Puis chaque scène est longue parce que on dirait que... OK, on va commencer une scène avec un intertitre. Fait que là, on a un panneau à l'écran, blablabla, blablabla. Là, tu le lis. Là, tu vois juste le gars marcher. OK. Après ça, tu vois le gars faire de la pantomime. OK. Après ça, tu as quelques scènes glauques. Ok, c'est glauque, un peu gothique, un peu dans cet univers-là. Là, tu sais, j'ai un livre d'Edgar Allan Poe devant moi. C'est un peu l'imaginaire, l'imagerie plutôt, la conception visuelle d'un Edgar Allan Poe, mais il y a rien qui va à fond. Il y a rien qui est complété. Il y a rien qui fonctionne parce que, tu sais, d'abord, là, on va parler de la relation. Là, t'as un monsieur. L'acteur a 50 ans, mais on lui donne pas d'âge. Fait qu'effectivement, il pourrait être un jeune de 16 ans. Moi, c'est le feeling que j'ai vu, c'est qu'on a voulu passer un bonhomme de 50 ans pour un jeune de 16 ans. On lui a pas donné d'âge. Fait qu'on dirait qu'ils veulent, comme au théâtre, qu'on oublie ça. Comme au théâtre, on oublie les hommes qui jouent des femmes, mettons. Mais qu'on oublie... Ou peut-être, juste, je m'excuse de te couper, mais peut-être que, vu qu'il est sourd et muet, souvent on traitait ces gens-là comme des idiots, comme des grands enfants, même si ça n'était pas, même s'ils étaient plus vieux, un peu comme Lionel dans Le Temps d'une paire, des trucs comme ça. Tu sais, on les traite comme des grands idiots. Fait que peut-être qu'on le traite comme un grand enfant. Tu vois comment sa sœur puis son beau-frère le traite aussi, là, tu sais, il traite comme moins que rien. Là. Fait que moi, j'ai vraiment le feeling qu'il voit pas le côté malsain de la relation parce qu'il voit pas que. Pour nous, là, il y a 50 ans, le gars à l'écran, là. Mm-hmm. Puis là, c'est pas une affaire de 2017-2018. Là, en 2018, on voit des problèmes partout. Non, non, non, pour vrai, il y a 50 ans. Puis la fille est jeune et elle a un regard amoureux. Elle a un regard de désir. Puis, tu sais, mettons, on va faire un parallèle drôle parce que je l'ai vu sur mon Facebook cette semaine. Tu sais, Lisa Simpson, quand elle tombe en amour avec son professeur. Oui. Elle a un regard d'admiration. Ben, elle a ce même regard-là, la petite fille, envers le gars. Oui. Sauf que le gars lui ouvre la porte à une relation amoureuse éventuelle. Donc, on enlève ce mur, ce boundaries-là que, mettons, les Simpsons ont créé ou que plusieurs... On l'enlève. Fait que là, on est vraiment entre une relation entre une jeune fille de 16 ans et un bonhomme qu'on n'est pas censé croire que c'est un bonhomme. Mais au point où, à un moment donné, il y a un insert où elle est couchée dans le pré, puis il y a un insert comme une juxtaposition d'une image de lui qui la surveille. Oui. C'est fucking glauque. Puis, c'est pour vrai, là, c'est plein de moments de même dans le film. D'abord, le film n'a pas de dialogue, ou presque. Quand il y a des dialogues, c'est du monde qui crie. Ben, c'est pas intéressant. Les dialogues sont tellement mauvais, ça fait théâtre d'été. T'sais, c'est surtout la sœur puis le beau-frère, t'sais, qui parlent. Puis ça fait tellement théâtre d'été, ces scènes-là, là, c'est fou, là. Ouais, parce que t'as genre le beau-frère qui crie « Je vais être payé, je vais être payé, je vais être payé », t'es comme « Ta gueule! » C'est un Soulon, non, t'sais, il joue mal le Soulon, t'sais, puis elle est là, puis elle est découragée de sa vie. Elle arrive, la première scène qu'on la voit, elle arrive, elle dit « J'ai un mari Soulon, puis un frère souris muet. Ah, oh, je suis pas chanceuse. » Comme... Ça fait vraiment théâtre, parce que dans la vraie vie, là, ouais, une personne, mettons, qui a son âge à elle, là, ne vient pas juste de réaliser ça. Elle regarde pas son mari et son frère en disant « Ah, tu sais, j'ai un mari Soulon puis un frère souris. » Ouais, mais ça fait genre toute ta vie qu'il est souris muet, reviens-en, tu sais. C'est ça. Tu fais pas un état de la situation non. Quand tu arrives dans c'est ta ça. Vie. C'est ça. Il y a jamais... Tu sais, tu peux dire « Chris, que ma journée va mal », mais tu fais pas un état de ta situation. Fait que c'est très bien dit, le théâtre d'été. Fait que le film, là, il s'embourbe, là. Pour vrai, là, le film, il s'enlise dans des sables mouvants de fausses complexités, de faux drames. Tu sais? Puis les moments quelque peu, comme je dis, glauques, gothiques, c'est un peu quand, avec les marionnettes, parce que quand même, oui, ils font un peu peur, mais ça s'adresse pas à un fan d'horreur. Non, moi, non, ce film-là, ça s'adresse à un fan de danse, un fan de pantomime, de mime. Il y a un travail avec les corps hyper intéressant, mais je montrerais pas ça à un fan d'horreur. Je montrerais ça à quelqu'un qu'il faut qu'il travaille le corps pour une raison, pour une autre, pour un travail, là, tu sais, pour un projet d'école, pour que tu étudies le corps. Il est super intéressant, le film, mais pas pour un fan d'horreur. Non, c'est pour ça que j'ai trouvé des qualités quand même au film, à l'interprétation de ces acteurs-là, puis comment est-ce qu'ils utilisent le corps, tu sais, c'est très physique, là, ce qu'ils font. Oui, tu sais, c'est pour trouver une qualité, là. Mais tu sais, juste la scène où il se pratique avec sa télécommande à faire des expressions faciales au vieux monsieur, tu sais, j'aimais ça le voir faire, tu sais, il devient triste, tu sais, j'aimais ça, c'est con cette scène-là, mais j'aimais ça, tu sais. Il y a des petits moments comme ça que j'aimais, je trouvais ça quasiment beau, quasiment poétique, quasiment, je sais pas. Mais c'est ça, mais c'est le genre de moments qui devraient rester dans le terme du vidéoclip. Mmh. C'est le genre de film qui serait plus adapté à notre époque parce qu'il serait saccadé, il pourrait être coupé. Ça serait genre un artiste en art visuel puis en pantomime qui a publié 5 clips sur YouTube que tu écoutes un à la suite de l'autre, puis ça serait suffisant. Oui, oh oui. Tu sais, pour vrai, là, tu découpes ce film-là autrement, puis tu le mets même pas au goût du jour, là. Mais moi, je te dis, là, je prends ce film-là, je le coupe en 5 clips, et je te jure, je fais un hit sur YouTube, puis tout le monde veut voir le film, puis tout le monde veut se péter à la gueule parce qu'ils ont vu le film, là. Ah, il y a des le y a des film scènes, est attirant. Oui, il y a des trucs visuellement qui sont attirants. Ah, c'est pas une totale... C'est pas une merde. Pas une grosse merde totale, mais c'est plate. Ça, je l'avoue, c'est plate. Je suis pas... Il y a personne qui m'a payé. Personne ne suffit de me payer pour en parler. Là. Je le dis, c'est plate à la mort. Je l'ai écouté en petits bouts. J'ai écouté 45 minutes hier soir, puis des petits bouts aujourd'hui. Parce que j'avais de la misère à le finir. À chaque fois, j'étais comme... Ah, il reste 15 minutes. Ah, il reste 10 minutes. Je sais. Mais c'est dur de se concentrer. Mais après, en y repensant, puis même pendant que je l'écoutais, je disais, ouais, mais il y a quelque part en dedans de moi qu'il y a quelque chose qui aime des parties de ce film-là, tu sais, puis c'est parce que je respecte l'interprète aussi, tu sais, je respecte Marceau, mais n'importe qui peut se tromper dans la vie puis faire une mauvaise chose, tu sais, puis, mais je pense pas que son travail là-dedans est mauvais, c'est peut-être juste le réalisateur puis le scénariste qui... Ils ont voulu expérimenter, puis comme tu dis, ils savaient pas sur quoi s'arrêter, là, tu sais, vraiment. Ils ont voulu tirer dans toutes les directions, puis ça donne un produit qui marche pas vraiment, tu sais. Mais c'est non, c'est ça, exactement. C'est un film unique. C'est quand même un film. Je suis content de dire qu'on. Là, je regardais ça, j'étais comme. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit. Je lui ai fait écouter des affaires bizarres dans Rare Giver, mais ça, c'est un des pires, je pense. C'est le film russe vit, puis des affaires comme ça, puis. Je suis comme. Ouais, lui c'est ben, bizarre, celui-là. Là. Ben, mettons que quelqu'un. Il ferait juste parcourir la liste d'Horror Gamer, il saurait que c'est toi qui as proposé ça. C'est typique GF, cette proposition-là. Là. C'est typique toi. Là. Juste pour faire un background un peu, on devait chercher des films. Fait que moi, j'ai donné des suggestions. Ça ferait cool si on commence l'année. On pourrait regarder les films qui parlent de résolution, les films qui parlent de maigrir ou ces enfants-là, comme Thinner. On peut même pas obligé de parler de Thinner. Ça me tente pas de voir ce film-là, mais cette idée-là de. Finalement, de bifurquer. Jeff, c'est ces deux films-là. Moi, je suis comme Gann. Si on peut juste t'entendre. Moi, je m'en fous. Je vais écouter n'importe quoi. On peut juste t'entendre. Là, tu fais. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, là. À un moment donné, je vais pousser le bouchon trop loin. Il n'y a personne qui va me faire confiance dans les choix de films. Ben oui, parce que, tu sais, il y a un cahier qui s'appelle Les 1001 films à voir et à revoir. J'en ai vu le tiers, puis j'ai vu Shank. Il y a ça aussi dans une vie. Ça, m'arrête pas de dire qu'on n'aura jamais assez de temps pour voir tous les films qu'on veut voir. Puis moi, j'ai vu Shank. Mais il y a ça, là. Ça, c'est un argument de toi pour dire que les prochains films, c'est pas toi qui décides. Je comprends très bien ta position, mais moi, personnellement, je suis pas mécontent de l'avoir vu. Parce qu'il faut dire que ce film-là, il y a eu, il y a 15-20 ans, une chaîne à la télé sur le câble qui s'appelait Scream, un peu comme Frisson de nos jours, mais c'était Canada anglais, c'était juste des films en anglais. Puis ils passaient des affaires comme Twin Peaks, mais ils passaient plein de films d'horreur que j'avais jamais vus. Puis on passait Shank ce moment donné, mais je l'avais manqué. C'est rien que juste si je l'ai pas enregistré sur une cassette, mais j'ai jamais réécouté la cassette. Si je l'ai, je l'ai quelque part dans une boîte, mais ça fait genre 15-20 ans que je veux voir ce film-là, puis là, je me suis dit, OK, là, faut le faire à un moment donné, puis ça a l'air vraiment bizarre. Puis, tu sais, c'est ça que j'avais entendu dire. C'était surréaliste, c'était weird, c'était unique, c'était. Fait que c'est ça. Je suis pas mécontent de l'avoir vu parce que, pour moi, c'est pas un des pires que j'ai vu sur Gamer, là. Tu sais, c'est juste le fait que ce soit tellement unique. Je la regardais, puis j'étais comme, il y a pas grand chose qui ressemble à ça, à mon avis, là. Ça veut pas dire que ça en fait un bon film. C'est juste son unicité que moi, j'aime, là. Tu sais, j'aime. Attends, voyons. Ah, pourquoi j'ai un blanc? C'est pas Les uns les autres, c'est le film qui a été réalisé durant la Deuxième Guerre mondiale, le film français, avec le mime, justement. Ah, ben c'est Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis. Bon, ben Les Enfants du Paradis ont des scènes de pantomime. Oui. Mais ça ne prend pas tout le film. Ça ne rythme pas le film. Non. Là, tu viens rythmer le film sur un pantomime. Mais là, on parle pas du même genre de réalisateur ou de scénariste non plus. T'sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Ça. Puis, c'est intéressant que tu en parles parce que le clown, le mime de Les Enfants du Paradis, c'est Jean. Là, j'ai un blanc de mémoire, c'est Barreau, son nom de famille, mais c'est Jean-Pierre, Jean-Philippe, je sais pas trop. Marcel Marceau a été élève sous ce gars-là. C'était Marcel Marceau était ado ou jeune adulte durant la Deuxième Guerre mondiale, puis ça a été son prof, le gars qui est dans Les Enfants du Paradis. Puis c'est ça, non, c'est Les Enfants du Paradis, là, je le dis aux gens qui nous écoutent, là, c'est pas un film d'horreur, mais prenez 3 ou 4 heures de votre vie, parce que c'est quand même assez long comme film, là. Oui. Écoutez-le, ça vaut fucking la peine. Puis c'est pas juste parce que c'est moi qui le dis, là. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je le dis. C'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, la différence entre Shank et les Enfants du Paradis. Pourquoi on se souvient de l'un et pas de l'autre? Ah oui, parce qu'il y en a un qui est maîtrisé et pas l'autre. Non, c'est t'auras beau vouloir donner des qualités, Shank n'est pas maîtrisé. Je suis désolée, mais c'est pas maîtrisé comme film. Je suis tout à fait d'accord, je le dis. J'ai essayé de trouver. Je suis juste content de l'avoir vu parce que je voulais le voir depuis un bout de temps. Puis je suis content d'avoir vu Marcel Marceau dans un film parce que je ne l'ai pas vu souvent. Puis j'étais comme, j'aimais ça le voir travailler. Je me répète, là, mais j'aimais ça le voir travailler en tant que marionnettiste puis en tant que marionnette. Puis les autres aussi, les autres qui font les marionnettes, j'ai aimé les voir faire. Mais c'est ça, c'est plein de défauts, puis c'est trop long. Puis si jamais ça l'a influencé vraiment George Romero comme on pense, le bout des motards, ben ça c'est, pour moi, je trouve, c'est une autre pierre dans mon histoire à mettre, là, tu sais, je suis comme, ouais. Qui comble un trou dans mon histoire. Je suis comme, ah ben, tu sais, en tant que fan de Dawn of the Dead, je savais pas ça. Je suppose que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça le voir dans un meilleur film, là, le Marceau. J'aurais aimé ça le voir dans un meilleur film que ça. Et pour en revenir à la scène des mentors, pour faire un lien un peu, je pense que la scène des mentors ramène l'âge de Marcel Marceau à l'adolescent. Parce que le mentor poigne sa dulcinée, l'amène dans un coin, et la réaction de elle, c'est vraiment une réaction de peur face à quelqu'un de vieux qui veut la traiter. Je vois sa réaction de... C'est pas le même regard qu'elle a. Et quand Marcel Marceau réussit à s'enfuir puis se cacher, j'avais la réaction du petit gars aussi. Fait que c'est pour ça que je dis vraiment, là, les motards... Mais ça peut-tu être juste... Encore une fois, c'est le problème. Ça peut-tu être juste un préjugé envers les motards? Motards qui s'attaquent à elle, à se dire, ils vont me violer automatiquement. Oui, oui, mais c'est je te dirais que c'est dans la physique. Il devient très, très grand. La caméra, de la manière qu'elle filme, de la manière que la scène se passe, le mentor devient très grand, comme s'il devenait comme très supérieur à elle, même s'il a la même grandeur que l'acteur masculin. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que cette scène-là, ce moment-là, vient confirmer l'âge un peu du personnage principal. Mais encore une fois, par manque de maîtrise, ça aurait pu amener une autre dynamique, puis elle tombe à plat très rapidement. Oui, oui, c'est pas si intéressant que ça, finalement. Au final, les motards... D'ailleurs, la fille, fille des motards, celle qui s'appelle Matahari, j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui arrive finalement à elle. Je me rappelle d'elle qui tombe par terre, puis qui voit le vieux sortir de terre, mais après ça, je me rappelle plus qu'est-ce qui se passe avec elle. Me rappelle d'elle qui relève de la plage, me semble, quelque chose comme ça. Qui se relève. Ça, je me rappelle d'elle qui se relève. Tu te mélanges pas avec la blonde? Ah non, je te dis, je sais pas. Non. OK. Mais la manière qu'elle tombe, quand elle est saoule, la motarde, la femme motarde, j'ai vraiment trouvé ça fascinant. Si elle aussi, elle doit être soit danseuse, ou elle a vraiment une façon de tomber qui était bizarre, là. Qui était très théâtrale, en tout cas. Ben moi, tu vois, toi, tu te souviens de elle qui tombe, moi, je me souviens de elle qui se relève. Donc oui, je peux te confirmer qu'elle a un physique qui capte l'attention. Oui. Ouais. Parce que moi, c'est elle qui se relève, donc je me souviens. C'est drôle, hein? Fait que c'est mais ça, ouais. Je pense qu'on a fait le tour de Shanks, là. Rien de plus à ajouter. Non, c'est ça. En plus que je nous l'ai fait payer, on l'a loué sur YouTube. C'est 4,99 ou 5,99. Moi, ça va être ma recommandation, c'est ça. T'sais, si vraiment vous êtes curieux de voir un film qui ressemble à rien d'autre, mais attendez-vous à quelque chose à 1h30 qui a l'air d'en durer 3h. T'sais. Mais c'est ça. Il est sur YouTube, c'est un lien légal. 5,99. Ta recommandation à toi, c'est? D'aller trouver des best-of sur YouTube. Oui. Je suis sûr que les best-of, je suis sûr que le film est coupé en meilleur moment. Je suis sûr, j'ai même pas fait de recherche, mais je suis convaincu qu'on peut rechercher les meilleures scènes avec juste les scènes de mime et de marionnettes. Ben, là-dessus, on va aller en musique avant de passer au prochain film. Et pour la musique, ben, on va parler de chansons de marionnettes. Puis comme les gars sont pas là, ben, on n'aura pas de chansons métal cette fois-là. Ça va être du ABBA, I'm a Marionette. Et on revient tout de suite. You're so free, that's what everybody's telling me. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, j'ai fait un refill de mon verre de vin. Je suis prête à vous parler de Half-Life, film de 2006, mais j'ai promis que mon résumé serait le plus neutre possible. Alors, le voici, chers auditeurs d'Horror Gamer. Film de 2006 mettant en vedette Demi Moore. C'est une auteure célèbre, une femme auteure célèbre dans le polar thriller suspense, livre un peu horrifique, dont le fils décède dès les premières minutes du film. Suite à ce décès, elle décide d'aller en retraite fermée sur une île. Je pense que c'est en Écosse ou en Irlande, en tout cas dans le haut de la Grande-Bretagne. Elle décide d'aller en retraite fermée pour terminer son livre, se changer les esprits, bref, penser à autre chose. Et dans sa retraite fermée, elle commence à d'abord halluciner son garçon. Puis d'autres phénomènes étranges lui arrivent et elle en vient à se demander, est-ce qu'elle hallucine toutes finalement? Est-ce que les gens qu'elle côtoie sont que des esprits, que des fantômes? D'ailleurs, on a oublié de vous dire, JF et moi, cette portion-là va être pleine de spoilers. On va faire un peu notre appréciation rapide du film, mais à partir de ce moment-ci, je garantis pas les mots qui vont sortir de ma bouche. Alors, je ne garantis pas ne pas être capable de pas faire de spoilers. Alors, à partir de ce moment-ci, ça se pourrait que je vous dise tout ce que je pense de Half-Life, spoilers ou pas. C'est pourquoi je vais passer le micro à mon ami JF, qui va peut-être être un petit peu plus neutre que moi, mais je garantis rien. Est-ce que JF, t'es prêt à prendre la balle? Oui, je suis prêt. Je veux juste mentionner, pendant que j'y pense, que Steven me dit que le film a été écrit et réalisé par le même auteur qui a fait les films The Quiet Ones et The Uninvited, que je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre, fait que je peux pas comparer. Je suis même pas sûr, je sais, j'y connais. Fait que, ouais, t'as-tu remarqué dans le générique comment c'était très bien fait? On savait tout de suite tout d'elle. On savait que c'était une auteure très connue, avait gagné des prix, elle aimait le vintage. Il y avait un article de journal qui disait « pas d'ordinateur pour elle ». Oui, ça m'a marqué! Pas d'ordinateur, j'ai fait « c'est quoi, on essaie de me dire que c'est un hipster? » Oui, oui, ça m'avait marqué! Surtout que, d'habitude, quand tu fais ça, ça rebondit à la fin du film. Puis finalement, on s'en contre-calisse. Ben, à part le fait qu'elle va aller vivre, elle va aller s'isoler dans un petit chalet, tu sais, qui est très, très... tout en bois, tout très... tu sais, je veux dire, c'est... elle aime les affaires vieillots. Fucking nice. D'ailleurs, ce film-là, moi et ma blonde, on l'a écouté ensemble hier, puis on s'est demandé tout le long du film, dès le départ, est-ce que ça a été financé par l'Office du tourisme de l'Écosse? Parce que ça essaie vraiment de te vendre l'Écosse, là. J'étais comme, moi, j'avais envie de partir en voyage tout de suite, là. Je vais aller, là, oui. Les chevaux sauvages. Les chevaux fucking sauvages. Mais quand on l'a voué, chevaucher avec le gars en plus avec lequel elle tombe amoureuse, je suis comme, ah mais là, tu peux-tu avoir plus quétaine et plus romantique que ça dans un film, là, la fille puis le gars en train de chevaucher des chevaux sur la plage avec le soleil qui se couche, en Écosse? OK, fait que là, on peut déjà dire à quel point on a haï ce film-là, là. Encore là, j'ai c'est pas bon, c'est vraiment pas bon comme film. Mais seul point, c'est comme, c'est... l'histoire du petit garçon m'est venue me toucher parce que je peux plus vraiment penser à autre chose que quand je vois ça, je pense à mon garçon, à moi, fait que... OK, je suis 100% d'accord. Ça te fait pas chier qu'on l'oublie après la moitié du film? Oui, oui. À moitié du film, on s'en contre-colle. Oui, je m'en suis rendu compte que maintenant, on l'avait oublié, là. Oui. Puis qu'elle pourrait... c'est insultant. Elle pourrait même ne pas avoir perdu son fils, puis ça changerait pas grand-chose, à la limite. Ça change... non? Ça serait plus intelligent. Oui. Je suis désolée, mais ça serait plus intelligent qu'elle ait pas perdu son fils, qu'elle ait juste un syndrome de la page blanche, puis qu'elle veut s'isoler. Ouais. Là, moi, je pars dessus dans le premier spoilers, OK? Je vous le dis tout de suite, là. Ça serait plus intelligent parce que quel calice d'amis de marde. La fille, elle vient de perdre son garçon qui s'est noyé. Elle a besoin de s'isoler. Et, spoilers, finalement, ses amis ont monté un plan contre elle pour la tuer, pour avoir son argent. Parce qu'ils sont jaloux de son talent. Quel ami de temps? Oui, ils sont jaloux de son talent, mais ils veulent son argent. Quel ami de merde! Ça aurait été vraiment moins insultant qu'elle ait pas perdu son enfant. Come on! C'est une vengeance, parce qu'au début, il l'a dit, son mari, qui, pour les fans qui ont écouté la série Lost, c'était Desmond. Dans la série de 100 aussi. Il est dans la série de 100 aussi. C'est, il dit au début, la première discussion qu'ils ont ensemble, il dit « Ah, moi, je suis comme la Tabitha King à ton Stephen King à toi. Toi, t'es Stephen King, moi, je suis Tabitha. » On se rappelle pas de Tabitha, même si elle est super bonne écrivaine. Puis lui, il est tout jaloux, puis parce que son roman a été rejeté, puis tout ça. Fait que je pense que ça, c'est né de... l'histoire de le complot est né de ressentiment que lui avait, puis dans le fond c'est ça, il veut son argent. Mais j'acceptais qu'il vive un mauvais moment. Il a le droit de vivre un mauvais moment, mais juste pour le bien des auditeurs, ok, parce que vous l'avez pas vu le film, personne n'a vu ce film là c'est pas juste pour le bien des auditeurs, quand même, vous remettre en perspective, la fille Demi Moore, elle a obtenu 4 millions en avance pour son prochain roman. Si elle crève là, ils peuvent pas toucher à cet argent-là. Fait qu'ils veulent la tuer pour d'argent qu'ils auront même pas! Ah, mais ça, les complots pour avoir de l'argent, c'est tout le temps mal pensé. Autant dans les films que dans la vraie vie, souvent. Là, ils pensent pas d'avance à leurs affaires. T'sais. C'est un putain de film de Canal Vie, là. Oui. C'est un film d'après-midi de Canal Vie. Mais visuellement, moi, j'ai trouvé ça superbe. Les shots, tout ça, c'est vraiment très beau. Mais comme tu dis, c'est vide. Puis moi, ce que j'ai trouvé tout le long du film, c'est que c'était crissement prévisible. Il y a plein d'affaires. La musique! JF, la musique! Ouais, la musique. C'est du violon, puis de je sais pas trop quoi, mais c'est super quétaine. Mais moi, j'ai trouvé ça super prévisible. Tout le long, à tout bout de champ, je dis à ma blonde, « Check bien ça, c'est ce qui va arriver. » Puis à un moment donné aussi, elle a deviné quelque chose, mais je le dirai tantôt. Mais tu sais, comme la passe du frigidaire avec les écritures dessus, tu sais, au début du film, tu vois son petit garçon qui écrit « Thomas was here ». Je suis comme, « OK, ça va peut-être revenir à un moment donné. » Puis là, elle, à son chalet... Elle a amené des jouets à son fils. Elle a amené des aimants de frigidaire. Elle les place comme là, comme c'était chez eux. Puis à un moment donné, elle va se servir quelque chose durant la nuit. Elle va chercher quelque chose dans le frigidaire. Elle ouvre la porte. T'sais, on venait juste de voir les aimants de frigidaire sur la porte. Ma blonde a dit « Ah, tiens, c'est pas encore écrit Thomas Wazir. Check bien ça, quand d'avoir fermé la porte, ça va être écrit. » Ben, c'était ça, exactement ça. C'est super prévisible. Puis à un moment donné... c'est ça. Là, elle tombe amoureuse du gars le plus écossais qui a pas sa terre, là, tu sais, qui s'appelle Angus McCullough. Puis, qui vit tout seul dans son phare, c'est le gardien du phare, puis c'est un jeune homme qui se lave jamais les cheveux, puis il a une petite barbe, puis il est tout romantique, puis il est capable de dompter les chevaux sauvages. C'est ça que j'allais dire. Je cherchais comment le dire, mais c'est ça. Capable de dompter les chevaux sauvages. Ils vont cueillir ils vont ramasser des coquillages ensemble, puis tout. C'est super romantique. Puis à un moment donné, elle dit, « Hey, il y a une fête au village demain. Tu viens-tu avec moi? » Puis là, elle dit, « Je voudrais que tu sois là vers 2 heures. » Puis à la minute qu'elle a dit, « Village, je veux que tu sois avec moi », il a fait une face. J'ai dit à ma blonde, « Check ça, il peut pas quitter l'île parce qu'il est mort. » Parce que c'est un fantôme. Et voilà, Moutou. Moutou, drette à ce moment-là, j'ai fait « Ah, si, check, ben ça, elle insiste ben trop, ça va être leur dernier... » Quand elle part en bateau, là, elle dit « Bye » au loin, ça va être leur dernier au revoir. Puis ils l'ont répété une couple de fois, « À 2 heures demain, ah, oui, à 2 heures. » Non, il n'y aura pas de 2 heures demain. Il ne peut pas quitter l'île. C'est un film de Canal Vie. Tu sais, il y a comme les films de VTL qui sont les films qui ont comme été des blockbusters qu'on connaît, que tout le monde aime, qui sont quand même cute et drôles, OK? Oui. T'as l'autre catégorie, le film de Canal Vie. Le film de Canal Vie, c'est un réseau télé, une chaîne télé matante qui tu sais, ça le dit dans le nom, là, c'est Canal Vie, là, tu sais. Fait que ça pose des questions, c'est des émissions de rénovation, des émissions de bien-être, des émissions de cuisine. Et l'après-midi, il y a toujours un film ultra quétaine dont personne n'a entendu parler. Et là, j'ai comme l'impression... Ils se sont dit, hey, on va bousculer la matante d'après-midi qui écoute le film Canal Vie. On va y mettre des fantômes puis un peu d'épeurante. Mais c'est tellement facile et prévisible que, oui, je peux comprendre que ça bouscule peut-être la personne qui écoute Canal Vie, mais c'est à peu près la seule personne qui écoute ce film. Non, parce qu'il n'y a rien d'épeurant dans ce film-là. Ben non! Les apparitions du petit garçon ne sont pas épeurantes, ne sont même pas stressantes. Le jeu de Demi Moore est froid tout le long du film. Puis c'est ça, il n'y a rien d'effrayant, là. Mais puis ma blonde a vu venir le fait que c'était son ex qui était derrière le complot. Elle m'a demandé, elle dit, check bien ça, il va revenir dans le portrait, c'est lui qui... Puis ça a pas manqué, là, c'était lui qui était derrière ça. C'est ça, c'est super prévisible comme film. On voit tout venir d'avance, là, tu sais. Ça a été écrit par le gars que j'ai dit tantôt qui a écrit les autres films que j'ai pas vus, mais je sais pas, on dirait que ça a été écrit par un amateur, un débutant qui... Je sais pas. Oui, vas-y. C'est pas écrit, mais c'est parce que je sens pas que les gens l'ont vu. C'est sûr que les gens l'ont pas vu. Puis on va s'assurer qu'ils l'écoutent pas. Alors voici le compte. Là, son gars, il est mort. Ça, c'est vraiment un accident, là. Ça s'est pas remis en question. C'est un accident. Son garçon, il est décédé. Et sa meilleure amie, qui est aussi éditrice d'un journal à sensation, lui trouve la maison de retraite. Fait qu'on comprend qu'elle a comploté depuis le début pour l'envoyer isolée là. Pour qu'elle soit isolée puis que tout le monde la trouve bizarre dans le village. Fait que tu vois qu'ils complotent pour qu'on la trouve bizarre. Ils ont trouvé ils ont engagé un acteur pour jouer Angus McCullough. Bon, ben lui, finalement, il est mort. Fait qu'ils ont engagé un acteur pour jouer quelqu'un qui est mort sur l'île. Comme ça... Il y a toute une légende autour de ce gars-là, là, tu sais. Le gars, il a découvert sa femme avec un amant. Il les a tués tous les deux, puis s'est suicidé. Ça, c'est la vraie histoire, tu sais. C'est la vraie histoire. Puis là, ils ont engagé quelqu'un pour jouer cet homme-là, pour qu'elle tombe en amour, quand même, tu sais, ils l'ont manipulé, pour qu'elle tombe en amour avec cet homme-là, puis que finalement, ils fassent en sorte que tout le monde au village dise, ben, tu peux pas l'avoir vu, il est mort. C'est ça. Qu'elle soit déclarée folle, puis qu'il fasse semblant qu'elle se soit suicidée, mais eux, ils l'ont tué. C'est là que rentre le gaslighting que je te disais tantôt. On l'a fait passer pour folle, on l'a fait elle-même à un moment donné, dit à quelqu'un, I'm not crazy, mais elle commence à douter aussi à un moment donné un peu, tu sais. À un moment donné, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas tout. Mais un énorme défaut du film qui, je pense, va refléter tout le problème du film. Le nom du méchant, là, de l'acteur engagé, c'est quoi déjà? Je me souviens pas. Patrick. C'est ça, bon. OK. Fait que Patrick joue Angus. T'es d'accord avec moi? Oui. Mais quand le fantôme d'Angus se présente à son chum qui essaie de la tuer, pourquoi il y a la face de Patrick? Oh, t'as peu. Uh-huh! Uh-huh! Je sais pas de quel scène tu parles, là. À son chum qui essaie de la tuer. Angus, là, on sait pas de quoi qu'il a l'air. OK, t'es d'accord avec moi, là? Okay, Angus, oui, c'est un... Mais c'est Patrick, c'est l'acteur qui s'est suicidé, je pense. Je suis pas sûr. Non. C'est ça l'affaire. Angus, là, finalement, il hante le fort pour vrai. Oui, puis il y a des vrais fantômes. Son fils est là aussi, puis je pense que le fantôme de son fils est là qui part sur l'île aussi. Fait que là, on back up, OK? Angus est un vrai fantôme qui hante le fort. Oui. OK? Parce que Patrick. OK. On a perdu tout le monde qui nous écoute, mais c'est pas grave. C'est correct. Chic. Ben, Demi Moore, elle va sur une passerelle, OK? Sa meilleure amie, est en bas, puis elle dit descend de la passerelle. Oui. Puis en descendant de la passerelle, elle voit Patrick. Oui. Okay? Mais Patrick, plus tard, il dit non, ce n'était pas moi, je n'étais pas là. Donc, on confirme que Angus hante la passerelle. Ben, ils ont pris quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Angus, j'imagine. Oui, mais c'est le même acteur, je comprends, mais c'est le même acteur. Ça montre le problème. C'est ça que j'essaie de. Mais là, c'est pour pas mêler la matante de Canal Vie, là, tu sais, ça prenait. Ils ont pris le même acteur parce que ça aurait été trop mêlant, là. Mais Pandy, Angus est hante le fort. Angus, il tue Patrick. Angus, il tue le comédien. Oui. C'est la première chose qu'il fait quand on confirme qu'il existe, c'est tuer le comédien. OK? Le comédien, il est mort, il est hors du portrait. Là, son mari, qui essaie de la prendre pour folle, va voir dans la place. Et il est attaqué par le fantôme. Mais le fantôme a la face du comédien. Il n'a pas sa propre face. Ça fait aucun sens. Mais c'est ça. Ils ont pas... Nous autres, on le voit avec le même acteur. Mais si c'était dans la vraie vie, ben, le fantôme aurait sa propre face à lui. Puis l'acteur aurait une autre face. Tu dis que le film ne se passe pas dans la vraie vie? Mais dans la vraie vie, y a-tu des folles qui parlent avec, avec le poupée? Puis qui voient des fantômes? Ben non, je te dis, là, ce film-là. Puis tu sais, ce que je dis, là, ce que j'essaie de démontrer, c'est le manque de budget du film. Oui. Puis un autre symptôme d'un, d'un film qui manque de budget, c'est l'excédent de flashback. Parce que le monde a des flashbacks dans ce film-là. C'est épouvantable. Les flashbacks ont des flashbacks. Oui. Demi Moore se souvient en flashback de elle qui prend la photo, puis l'appareil photo a un flashback de lui qui prend la photo. Ah, je pense que le phare a des flashbacks. Je pense que les chevaux ont des flashbacks. Tout le monde a des flashbacks, là, tu sais. Elle prend une photo. Puis là, on voit le flashback de quand elle prend la photo, puis on voit ce flashback-là d'un autre angle. Oui. Fait que l'appareil photo a un flashback, si. C'est ça, c'est un de budget. Parce qu'un film, pour être vendu, il faut qu'il fasse un minimum de temps. Fait qu'ils n'ont pas réussi à faire ce temps-là, fait qu'ils ont rajouté. Mais le film, il finit, tu sais, avec un zoom-out, là. C'est du fort, là. Là, on s'éloigne du fort, Puis là, tu fais... Chris, sur mon timeline, il reste 8 minutes. Ah ben oui, il manquait une scène de marde. Fait que là, on finit le film sur une scène de marde. Mais il y a une scène justement qui se passe au phare, que c'est très CGI. Tu vois le manque de budget, là. Oui! La première fois qu'il l'a fait monter dans le phare, t'es voué par la fenêtre. Là, la caméra va sur le phare au complet, puis ça recule après ça. Puis tu fais, aïe aïe, que c'est lettre. Il arrive eux autres en haut, puis tu vois très bien que c'est un green screen, que c'est tout du CGI, le phare, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et pourtant, il existe, on l'a vu avant, le phare, il est là. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait, cette scène-là, pour de vrai, tu sais? Moi, ma théorie, c'est qu'il y avait trop de bruit ambiant. Oui, puis peut-être qu'ils ne voulaient pas les faire monter sur le top du phare pour des questions d'assurance, je sais pas, là. Ah, peut-être. Dans tout le bout de la... Ah oui, le phare en CGI. Demi Moore, c'est une petite princesse. Là. Quand tu regardes le générique, là, elle avait son chauffeur, son chef, avait ses deux gardes du corps. T'sais, c'est tout marqué en générique. Là. C'est Demi Moore. Travailler avec elle, je l'aurais détesté sur ce film-là. C'est sûr qu'elle avait besoin de garde du corps. Puis tu sais, je trouve ça tout le temps suspect, moi, un personnage de film qui a tout le temps les cheveux beau et propre comme ça dans toutes les situations, puis jamais attaché rien, là, tu sais, puis y a pas une scène qui a pas les cheveux attachés. Y a pas une fille qui va sur la plage sans élastique à son poignet. C'est ça. Elle a toujours les cheveux comme si elle sort de la douche, là. Y a pas une fille qui fait du cheval les cheveux détachés. Pas une! Lui, on dirait qu'il se lave pas, puis elle, on dirait qu'elle sort tout le temps de la douche. Asti! Une queue, ça s'appelle une queue de cheval. C'est une couette. Même en anglais, on dirait pas une... du cheval. T'as une ponytail. Ah, mais ça, c'est... T'as remis tellement de petits défauts. Tu sais, comme... À un moment donné, elle veut savoir c'est quoi la face du fantôme. Parce qu'elle dit, voyons, tout le monde dit que je sors avec un fantôme. Puis je suis comme, fuck off, je sors pas avec un fantôme. Fait que je vais faire des recherches. Mais tout le monde parle d'elle comme une crise de folle à la bibliothèque au lieu de juste faire « Ah ouais, ben je peux t'aider, je vais te montrer une photo du gars. » Ben, ils font toute partie du complot, j'imagine. Ben, j'y ai pensé, mais je pense pas à cause du monsieur. La première personne qu'elle rencontre, c'est un vieux monsieur, puis lui, il fait pas partie du complot, puis c'est la première personne qu'elle rencontre. Fait que logiquement, la première personne qui aurait été dans le complot, c'est ses voisins. Ouais, non, t'as raison. Ouais, le monde du village, ils font pas partie, mais... Je pense qu'il y a genre 168 personnes dans ce village-là, à peu près. 128, je pense. 128? Hey, ils sont chanceux en tabarnak d'avoir une voyante là-dessus. Ah, mais elle, c'est ça, j'ai mentionné brièvement tantôt, mais... Le pire, c'est que c'est quasiment le personnage le plus sympathique, mais t'sais, c'est la folle typique de film d'horreur là, t'sais, qui parle à ses poupées. Là, eh oui! My God! Elle est vraiment intense. Mais ça, c'est le petit bout pour faire peur aux matantes, là. Oh oui. Votre fils est là, God. Il veut vous prendre par la main. Votre fils est là à côté de vous. Ça l'inquiète. Mais tout de suite, ça l'inquiète. Mais la fille, ça peut. Tu sais, dans le sens où. Parenthèse encore sur ma vie. Mais cette semaine, je marche dans la rue. Je vois quelqu'un, puis je suis comme ça que je le reconnais. Fait que je le fixe, malheureusement, bien malheureusement. Et la personne se retourne, puis fait: Hey, salut Vicky! comment vont les enfants? Je n'ai pas d'enfants. Fait que, tu sais, au lieu de réagir comme Demi Moore, le parallèle est là. Tu sais, parce que la voyante a fait « Hey, votre fils est là, mais ton fils est mort. » Puis logiquement, tu crois pas encore que ton fils est en fantôme. Fait que tu réagirais genre « Ben non, tu t'es trompé de personne, je n'ai pas de fils. » Comme la personne qui m'a abordé dans la rue en disant « Comment va les enfants? » Je vois bien qu'il m'a appelé Vicky, il m'a reconnu, mais il s'est mélangé, là, tu sais, ou il a juste dû... Il a voulu dire quelque chose de... Tu sais, il fait beau aujourd'hui, comment vont les enfants? Tu sais, une phrase facile quand tu rencontres quelqu'un. Comment vont les enfants de ta sœur? Aussi, tu sais, mais tu sais, quelque chose de bien, bien easy. Fait que, tu sais, la personne, on n'a aucune idée, excepté parce que la musique est crissement trop intense, mais si c'est pas de la musique, on n'a aucune idée que cette personne-là, c'est une voyante. Non. Fait qu'elle pourrait juste répondre de, ben non, j'ai pas de garçon, puis continue. Non, non, mais... Les deux jambes, ils tombent même, puis elle tombe dans un vortex paradoxal comme quoi c'est sûr qu'elle a vu son film. Voyons, Chris! Moi, je me disais... moi, j'avais des flashbacks d'un autre film de Demi Moore. Je me disais, tu mets Whoopi Goldberg devant elle qui dit « Votre mari est là, puis il veut vous parler. » Puis ça fait ghost. Et voilà! Mais elle adhère trop vite à cette proposition-là. Ouais. Trop vite, là, tu sais. Puis j'en parle souvent à quel point, pour l'avoir vécu, une mère qui perd son enfant, oui, est capable d'accepter bien les affaires, mais là, c'est trop facile. C'est même moi, j'y crois pas là, à ce stade-là. Là. Même si c'est une auteure qui a beaucoup d'imagination et tout ça, qui a écrit des romans là-dessus. Pis... Oui, mais tu sais, encore là, ça là, c'est tellement une théorie Agatha Christie, mais bas de gamme. Agatha Christie, mais Romain Arlequin. Pas pour Demi Moore, mais son mari, tu sais, son mari, c'est un auteur qui essaie de se faire connaître comme un auteur à suspense thriller, fait qu'il va tuer sa femme pour montrer qu'il y a de la créativité. Oui. Hein? J'aimerais connaître le nombre de statistiques d'auteurs à thriller qui ont tué des gens. De toute façon, j'ai tout le temps eu de la misère, des fois, à accepter certains acteurs ou actrices comme auteurs. Dans un film. Le métier, des fois, colle pas avec l'acteur, puis elle, ça collait pas parce que tu la vois taper sur sa machine, puis tu fais, elle tape vraiment mal, là, pour quelqu'un qui a écrit des dizaines et des dizaines de romans. Là. Et ça, on va parler tout, la machine. Hey, je m'excuse, mademoiselle Hipster, là. Je m'excuse qu'on essaie de montrer que t'es don original, mais il n'y a pas un hostie d'auteur aujourd'hui qui taperait à la machine parce que quand t'envoies ton roman chez l'éditeur, il faut tout que tu corriges. Pocket que t'as envie de tout réécrire quand ben maintenant oui, c'est facile. C'est ça, tu sais. Ouais. Ah non, c'est vraiment quelque chose pour faire rêver le monde, là, tu sais, sur une île écossaise avec la mer, puis tout, puis la machine à écrire, le petit chalet, puis c'est très vintage, là, c'est très carte postale. Puis comme je te disais, c'est l'Office du tourisme de l'Écosse qui a dû financer ça, je sais pas, là, mais... Ou tu sais, comme au tout début du film, son garçon, il la dérange dans son bureau. Mais je suis désolée, mais tout parent normal là, réagirait pas en arrêtant ce qu'il fait, prendre son garçon, ha ha ha, rire. J'arrive, je reviens. Non, il serait fru. Il pitcherait probablement son jouet par la tête. Tu sais, c'est le bureau à maman. Tu le sais qu'à maman est dans son bureau. Tu la déranges pas. J'arrive dans une demi-heure. Va-t'en. Oui. Ah, puis ça me fait penser. Erreur majeure dans le film, GF. Erreur que tout. Personne qui cuisine va se rendre compte. Erreur fondamentale! Quand elle fait une salade, elle coupe la tomate, puis elle garde le petit bout de tomate. Il y en a qui aiment ça, ils capent. Ouais, mais non, dans mais dans une vie, salade, hein? Tu sais. Ouais, mais qui va le pogner, ton petit cap de tomate? Tu gardes pas un cap de tomate direct, puis ils font un gros plan dessus! Oui. Je travaille en restauration! Fuck you! Ouais, mais c'est une hipster, je sais pas, elle mange peut-être ses capes de tomates, je sais pas. Là. Non. Pas cette théorie. Non, tu ne gardes pas tes capes de tomates dans une salade! Non, c'est ça, le seul aspect du film que j'ai un peu aimé, c'est la... C'est la fin du petit garçon. Mais c'est pas que j'ai aimé ça, c'est triste au bout. Puis tout ce que ça a fait, c'est qu'à la fin du film, après que le film soit fini, j'ai été voir mon garçon à sa chambre s'il dormait bien puis tout, t'sais, parce que c'est juste ça. C'est... Tu regardes des films d'horreur des fois avec des enfants qui meurent pour te rassurer, pour vivre des émotions que tu veux pas vivre dans la vraie vie, puis après ça, te rassurer, tu vas coller ton enfant, tu vas « Ah, oh, je suis content que tu aies envie. » puis je veux pas vivre ce genre d'affaire là. Mais l'oublie. Oh, on l'oublie, c'est clair. Là. J'accepte qu'elle passe à autre chose, hein. J'accepte qu'elle trouve l'amour, puis qu'elle vit. C'est parfait, c'est zen, c'est bien. C'est juste parce qu'après ça, on part sur d'autres fantômes. Non, on aurait pu focusser sur ce fantôme-là, là. Bon, oui, je suis d'accord. Je dis pas ça, je dis pas que c'est un point nécessairement positif du film. Je dis juste que c'est quelque chose qui est venu me toucher, mais c'est tout. Ça pourrait être 100 fois meilleur, là. Tu sais, c'est très mineur, puis c'est très. C'est pas bon. Elle est pas bonne de mémoire là-dedans. Puis c'est dommage parce que j'en parlais avec Steven en privé. Puis je disais, faut pas, avant d'avoir vu le film, juger le film avant parce que Demi Moore est dedans, parce qu'elle a déjà été bonne. Moi, j'étais un gros fan de Ghost, mais elle a joué dans d'autres films. Puis j'ai nommé Saint Elmo's Fire. La dame m'a fait brailler, là, je me rappelle. Elle était vraiment bonne. Mais 2006, Half-Life était pas bonne là-dedans. Là. Oh my god. Mais en plus, c'est que la première fois, quand elle découvre que son garçon est mort, j'ai trouvé son jeu d'actrice très intéressant parce que très différent. Dans le sens où quand une mère dans un film découvre son garçon, elle est moins froide. Elle va paniquer, ouais. Puis, ouais, c'est souvent dans la panique. Dans le sens où elle descend, puis tout de suite, elle comprend ce qui est arrivé, puis elle glace, elle fige, puis graduellement, on dirait qu'elle a accepté dès le point A, mais il faut qu'elle se rende jusqu'au point Z. Et ça, j'ai aimé ça parce que j'ai trouvé que c'était différent de bien des films. Mais après ça, comme tu dis, c'est que le reste est tellement froid. Hey, la scène quand elle fait l'amour plus tard dans le film, tu sais, à peine la peau d'ours puis les pétales de rose, là. Oh oui. Pis, l'air plus à l'aise que ça, là. Non. Fait que tu sais, je me dis, pour vrai, au début du film, quand toute la situation avec son garçon est froide et distante, ça passait parce que c'est différent. Mais vu qu'elle reproduit cette interprétation-là tout le long dans le film, et tu fais, ben non, finalement, ça passe pas, ça marche pas. Elle est juste trop connectée à son personnage, tu sais. Non, elle est juste sur la même note tout le long, là, tu sais. Tout le long du film. Puis, ouais. Non, c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre. Ah, j'ai vu une petite erreur, de continuité. C'est une affaire de banale, mais un moment donné, on voit un plan de la machine à écrire, puis une tasse de café à moitié vide à côté. Puis moi, dans ma tête, ça a envoyé l'information. OK, ben ce matin-là, elle n'est pas capable d'écrire parce que la machine à écrire, il n'y a rien dessus. Puis elle a bu la moitié d'un café. Puis là, ça coupe. Le plan d'après, on la voit déposer la tasse de café à côté de la machine à écrire. Je suis comme, ah, erreur de continuité. C'était juste ça. Une autre erreur, quand elle essaie de rejoindre sa meilleure amie au téléphone, moi, j'ai l'impression qu'ils ont échappé la caméra. Puis en fait, fuck, on a échappé la caméra, on peut pas garder la scène dans un seul plan. Donc, ils ont repris tous les plans. Parce que tu sais, quand tu tournes une scène sur un plateau, tu fais pas juste un one cut. Ben tu prends quelques cuts. Fait que j'ai le feeling qu'ils ont pris comme 6-7 cuts, puis qu'ils ont coté, qu'ils ont fait un montage rapide pour qu'elle ait l'air plus anxieuse, mais que c'était pas prévu au départ. Parce que pour vrai, la première fois, tu sais, mettons, la première fois que ça arrive, j'ai vraiment comme le cadre bougé. Comme si la caméra était sur le bord de tomber. Là. J'ai vraiment vu le cadre bouger. Puis après ça, ça a juste été saccadé au montage. Fait que j'ai vraiment eu le feeling de fuck. Ils ont échappé à la caméra, ils ont pas été capables de la reprendre. Fait qu'ils ont juste décidé de prendre toutes les cotes possibles pour avoir l'air plus stressé. T'sais, c'était vraiment mal fait. Puis l'autre affaire, tu disais que tu étais capable de prévoir des scènes. Moi, c'était la scène qui font l'amour. Demi Moore et Angus. Parce que dès qu'elle croise, là, tu sais, vraiment la première fois qu'ils se regardent, moi déjà j'avais l'impression d'assister à un soap opera, là, un film d'après-midi très, très, très, très soap. Et là, j'ai dit, s'il faut que le plan où ils fassent l'amour, c'est elle, que tu sais, la caméra est à un point, puis on étend la femme devant la caméra. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Rendre progressivement de biais, là, de côté, à rendre progressivement de côté les cheveux en premier, langoureusement, parce qu'il la dépose lentement. J'ai dit, si c'est ça le plan, ils font l'amour, j'ai un peu mal. Ben, j'ai eu beaucoup mal, parce que c'est exactement. Ah, tous les clichés sont utilisés dans ce film-là. C'était Dawson's Creek en un seul plan. Puis Dawson's Creek, c'est meilleur que ça. Oui! Il y a plus d'intrigue dans Dawson's Creek. Je suis sûr qu'il y a un épisode d'Halloween Dawson's Creek qui fait plus peur que ça. Je me rappelle pas, mais peut-être. J'ai écouté les 6 saisons, mais je me rappelle pas. Mais c'est possible. début de l'épisode, je t'ai dit que j'allais te parler des critiques IMDb. Oui. IMDb, si tu tapes le film sur Google, Half-Life 2006, toutes les critiques le détruisent. OK? C'est du 3 sur 10, du 6 sur 10. Mais tu vois, toutes celles qui sont sorties en premier, c'est toutes les 10, 8, 9 sur 10. C'est toutes des bonnes critiques. J'ai vu ça, je comprenais pas. En tout cas, fait que moi, je l'avais pas tapé sur IMDb, j'ai juste tapé sur Google pour avoir un peu d'informations. Puis c'était toutes des mauvaises critiques. Là, j'ai dit, ah, regarde, Jeff veut qu'on le voie, Jeff aime ce genre de film-là. Je vais le regarder open mind en me foutant des critiques. Tu sais, je les ai pas lues, mais j'ai juste vu les étoiles, là. J'ai dit, je vais vraiment le regarder open mind. Je vais vraiment essayer. Puis comme je te dis au début, à part le bout de tomate dans Salade qui m'a un peu dérangé, la musique m'a un peu gossé, mais l'interprétation de Demi Moore quand elle voit son garçon décédé, j'ai fait, OK, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que les gens étaient trop difficiles. Puis moi, les apparitions de son gars, j'ai essayé d'embarquer. J'ai dit, OK, Garvik, aie peur. Fait que j'ai décidé d'avoir peur. Mais le film a un creux de 45 minutes qui n'est pas de l'horreur, qui n'est pas du suspense. Non, c'est juste du mystère. Oui, puis c'est vraiment un Agatha Christie, un Mary Gaines Clark. Ma mère, elle disait ça. Oui, oui. Mary Gaines Clark. C'est un Mary Gaines Clark filmé pour les personnes en après-midi. Oh, oui, tout à fait. Je suis d'accord. J'ai eu des petits échos dans ma tête du film de Wicker Man avec le petit village. Puis je pensais que les gens seraient plus bizarres que ça au début. Finalement, non, c'est pas Wicker Man. Puis il n'y a pas de femme qui danse tout nu, là, mais il y avait un petit côté Wicker Man dans ma tête, là. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé du film, c'est la petite histoire avec Thomas parce que j'ai trouvé ça triste. Mais ça dure pas longtemps, puis on s'en fout après un bout de temps. Puis le village, l'île, visuellement, tu sais, le phare, la mer, tout ça, les chevaux, c'est super beau, t'as juste le goût de déménager là, mais que Demi Moore soit pas là, t'sais, tu veux pas qu'elle soit là. Non, à pas d'affaire là. Le bout de la scène de Bingo, est-ce que ça t'a fait penser à la petite séduction, à la grande séduction? J'ai jamais vu la grande séduction, la petite séduction, la grande séduction, je l'ai jamais vu. C'est la grande séduction, parce ouais, qu'il y a un bout de... Il y a un bout d'une scène de bingo, puis pour vrai, là, j'étais comme, oh my god! Tu sais, juste la grange, le bar, en tout cas, tout où ce qu'ils sont, là. Ben, c'est peut-être, tu sais, ça a pogné beaucoup la grande séduction, puis il y a même eu un remake américain ou canadien-anglais du film, fait que je pense, si je me trompe pas. Il est meilleur aussi. Ah oui, il est meilleur? Ah, il est. Non, je veux dire, la grande séduction, c'est meilleur que Half-Life, qu'on a envie de faire des remakes. Oui, oui. Non, mais il y a eu un remake, il y a eu un vrai. Ouais, c'est ça, ok, non, je comprends ce que tu veux dire, ok. Puis, non, c'est ça. C'est que dans le fond, il y a rien. J'ai fini le film, j'étais comme, ok, c'est aussi vu, aussitôt oublié, là, tu sais, c'est poche. Ok. Tu sais, je veux dire, c'est pas à toi de le justifier dans le sens où, comme moi, tu l'as sûrement vu dans une liste à quelque part, mais quand je t'ai écrit sur Facebook, est-ce que t'as des choses à me justifier? Mais en quoi ce film-là a pu retentir sur des listes d'horreur? Ben, c'est sur des listes de gaslight, du terme gaslighting que je te disais. T'sais, c'est l'aspect qu'on te fait passer pour une folle, puis toi tu te dis, mais non, je suis pas folle, puis à un moment donné, tu finis par le croire quasiment que t'es folle. T'sais. Fait que dans ce sens-là, le film marche avec la thématique, t'sais, de la manipulation. T'sais, son ex puis sa meilleure amie l'ont manipulé. T'sais. En payant un acteur et tout ça, tu sais. Fait que les deux films parlent de manipulation, mais de manière différente. Mais c'est pas des films d'horreur, nos deux films d'asseoir. Les deux films qu'on a écoutés, c'est pas des films pour faire peur au monde, tu sais. Je le répète et je le dis, là. Vous aurez jamais peur en regardant ces films-là, tu sais. Ce soir, je rebaptise le podcast GF Gamer. GF Gamer. GF Gamer. Ouais. Tu nous as joué tout un tour, mon GF. Mais je les avais pas vus, je les découvre aussi. Ça aurait pu être épeurant, tu sais, je sais pas. Comme je dis, on a tellement de misère à s'entendre sur des films que je me plaindrai pas qu'on ait choisi deux films. Je vais me plaindre des films, pas des choix. Puis pas de la personne qui a fait des choix, mais du film en lui-même. Ben tu sais, oui. Je veux dire, tu sais, faudrait regarder combien il a coûté. Parce que Demi Moore, elle doit avoir fait quand même un pas pire salaire, là. Puis tu sais, c'est poche en plus, parce que tu dis Demi Moore, là, c'est la seule vedette. Toutes les autres, c'est des nobody. À part Cusick, qui ressemble à Cusick. Mais a dû coûter cher, parce que comme je dis dans le générique, tu vois le nom des chefs cuisiniers pour le catering puis tout ça, puis elle, c'est marqué Demi Moore's chef, puis Demi Moore's drivers, puis la sécurité pour Demi Moore, il y a deux gars, tu sais. Il y avait tout son petit entourage, elle, là. Ouais. Hey, Demi Moore, elle avait un chef, puis il a pas dit de mettre son bout de tomate dans sa salade. Cool. J'essaie de trouver le budget. Je le vois pas pour l'instant sur IMDb, mais bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais c'est ça, tu sais, on a de la misère des fois à trouver des films, puis j'ai tendance, moi, j'ai une déformation, je suis mal faite comme ça. Je veux trouver des films un peu dans la marge. J'étais content qu'on fasse Shanks, parce que il y a personne qui a vu Shanks, je suis sûr, il n'y a aucun podcast qui en parle. Puis Half-Flight, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce film-là. Ça a passé complètement sous mon radar en 2006. Puis, puis pour des bonnes raisons, là, c'est poche. Mais je veux dire, tu sais, j'aime ça explorer ces films-là. Tu sais, comme quand je vous ai proposé Vie ou d'autres films de même, tu sais, j'aime ça aller dans des places ailleurs que le petit film typique que tout le monde a vu ou que dont tous les podcasts parlent, tu sais. Puis j'aime ça des fois aussi repousser un peu les limites de l'horreur, mais ça marche pas nécessairement avec d'autres membres de notre équipe, tu sais. Puis je voulais, quand tu parlais de films de perte de poids, je voulais avoir le film Hunger de Steve McQueen, mais je l'ai jamais vu. Mais puis je sais qu'il y a des films, il y a des scènes malaisantes là-dedans, mais je sais que c'est pas un film d'horreur, tu sais. Mais t'sais, ça a pas marché, ça a pas passé au conseil, fait que. Mais bon. Shank, aucune scène malaisante, un bonhomme de 50 ans et une fille de 16 ans. Il n'y a aucune scène d'horreur aussi. Mais c'est classé dans l'horreur, tu sais. Puis Half-Flight aussi. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je vois un podcast avec deux types de films que je connais pas, je vais être plus portée à les écouter que le 8e podcast sur Thor Ravenok ou le 8e podcast sur Les Gardiens de la Galaxie. Tu sais, quand tu vois dans la même semaine, tous les podcasts parlent de Star Wars ou tous les podcasts parlent de tel film. Cette année, je les écouterai pas toutes, là. Ils vont tous dire la même maudite affaire, tu sais. J'aime pas Star Wars. Le nombre de podcasts que j'ai swipé depuis décembre parce qu'ils parlent de Star Wars, puis j'aime pas ça, puis ça me tente pas. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. On sort des sentiers battus. C'est le fun de faire des découvertes en écoutant un podcast. Hein? C'est le fun de faire des découvertes quand on écoute un podcast. Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est le fun de sortir des sentiers battus. Mais là, on est un petit peu trop loin dans le champ, là. OK. Je vais nous ramener dans sa route bientôt. De toute façon, ben, tu sais, justement, c'est en site. En début de semaine, lundi passé, j'ai commencé mes cours de conduite théorique. Fait que je vais nous ramener sa route, là. OK, je pensais que c'était ça l'histoire d'horreur, c'est que t'as commencé à conduire. pas encore. Cette semaine, j'ai commencé à conduire, j'ai fait 3 morts. Checkez-moi bien aller pour dans le film d'horreur. Je suis juste dans le théorique, là, pour l'instant, mais commencer dans le char bientôt. En tout cas, tu sais, c'est correct qu'on conseille, mais en même temps, je pense que les deux films de ce soir, on ne les conseille pas. Mais ça fait un bon podcast, par exemple. Ben oui, ben ça oui. Ça fait un bon podcast. Pour les plus aventureux, je leur dis encore, moi, j'ai rien contre Shanks. Ben, j'ai rien contre... J'ai plein de choses contre Shanks, mais il est moins pire que l'autre. Mais Half-Flight, non, c'est vraiment dole. Ça dure 1h49, puis c'est long. Mais vous pouvez avoir du fun à deux à rire du film, peut-être. On vient de tout vous vendre les punchs, là, mais vous pouvez essayer de deviner d'avance si... Un jeu de boisson, si t'es capable de deviner comme ce qui se passe dans les 5 prochaines minutes, tu bois. Mais c'est ça coûte 4-5$ sur YouTube aussi, là. C'est une façon légale de le voir, puis bon, skipper ça, là. Skipper Half-Flight, il y a d'autres choses à voir que ça. Allez voir Ghost à la place, c'est quasiment plus épurant, mon fantôme d'amour, que ce film-là. Des petites créatures qui viennent chercher le monde mort, là, qui viennent chercher les fantômes à un moment donné, là, c'est un petit peu épurant, ça, là. Il y a comme un méchant, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là, mais il y a comme un méchant aux cheveux frisés. Vraiment peur. Ouais. Mais aussi, c'est ça, tu sais. C'est pas pour rien que Demi Moore n'a pas de carrière présentement. Half-Flight est un bel exemple de ça, là. Elle a sûrement été un trou financier pour ce film-là qui n'a pas été vendu nulle part, là. Puis ça, ce film-là, là, ça va faire 12 ans cette année. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis? J'ai pas vraiment checké sur IMDb. T'as-tu vu des affaires récentes, toi, avec elle? J'ai rien vu avec Mémoire récemment. J'ai envie de sa carrière est vraiment au neutre. Hein? Oui, vraiment. Puis, mais en même temps, elle a eu des enfants, un acteur célèbre aussi. Fait, est-ce qu'elle restait à la maison pour ça? As-tu des enfants avec Ashton Kutcher? Non, mais avec Bruce Willis. Puis les deux, ils ont eu leur carrière en même temps. Ouais, mais ça, ça fait longtemps. Sens où... Ça fait 30 ans, ceux qui ont eu... Tu sais, leur fille, a... je sais pas combien d'enfants qu'ils ont eu, mais je sais que leur fille est connue. Rumeur est connue. Ça fait 10 ans que t'es plus sur la scène à Hollywood, là. Parce que, en tout cas. Elle a des projets 2018, puis beaucoup 2017. Elle est dans Rough Night, mais je sais pas c'est qui. Non, elle a pas mal de projets. Ouais, pas mal partout. Mais moins l'avant-plan quand même qu'avant. Là, oui, ben oui. Elle est plus sur le poster nécessairement des films. Là. Ben, pas la première face qu'on voit. Elle jamais, en tout cas, elle fait plein de trucs, mais pas ses posters, jamais. Mais, il y a un autre, je viens de penser qu'il y a un autre parallèle à faire avec les deux films. Dans le premier film, t'as Marcel Marceau qui a 50 ans puis qui est amoureux d'une fille de 16 ans, puis là, t'as Demi Moore qui a genre, peut-être, je sais pas, 45-50 ans dans ce film-là, je sais pas quel âge qu'elle a, là, mais... puis le jeune, il est quand même 25, peut-être, ou 30 ans, le jeune, il est pas... c'est scandaleux, là, mais ça fait cougar un peu. Là. Elle est belle en sacrament, père. Oui, je dis pas le contraire, elle a le corps d'une fille de 20 ans, là, mais... Ça, elle est vraiment très belle. Dans puis à cette époque-là, elle sortait déjà avec Ashton Kutcher, fait qu'elle aimait déjà les jeunes hommes. Là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'elle est belle, c'est pas chandir, elle est belle, mais pas radieuse. Mm-hmm. Tu sais, dans le film, à un moment donné, elle rentre en interruption dans une bibliothèque, puis tu te sens pas en sécurité. Tu sais, t'as vraiment envie d'y fermer la porte à gueule. Tu sais, c'est pas la jeune première que t'as envie de sécuriser, là. C'est pas la femme en détresse que t'as envie de mettre dans une douillette. C'est vraiment genre, elle ferme ta gueule pis règle tes problèmes. C'est vrai. Ben, c'est peut-être pour lui donner un petit... Ouais, c'est peut-être pour aller avec son petit côté folle dans le film. On pense peut-être qu'elle est folle, pis en tout cas, je sais pas. Elle est trop froide. Elle est pas assez proche de ses émotions comme on voudrait pour ce genre de personnage. Peut-être qu'elle s'en foutait du projet. Peut-être. Je la sens pas tellement impliquée dans le film. Parce que, tu sais, là, je veux juste clarifier quelque chose. Homme comme femme, quand on présente quelqu'un qui perd un enfant au cinéma, c'est très émotif. Oui. Puis on n'est pas habitué à ce genre de personnage. Homme comme femme, là, ça n'a rien à voir avec le sexe. Le genre, ça n'a rien à voir avec le genre, homme comme femme, on n'est pas habitué à ce rapport-là à l'écran de quelqu'un qui perd son enfant et qui move on, qui va au-delà aussi vite, qui l'oublie aussi vite, puis qui est très neutre par rapport à la situation aussi vite. Tu sais, son retreat, là, sa pause, c'est pas pour reconnecter avec elle, c'est pour finir son livre. Ben oui. Il y a quelque chose dedans, tu sais. Fait que ce personnage-là est mal construit, que ce soit un homme ou une femme, c'est le même problème, il est mal construit. Parce que je me rappelle très bien hier soir avoir dit à ma blonde, quand on la voit préparer son voyage au début du film, puis on dit ça fait 8 mois que son enfant est mort, je me suis viré vers ma blonde, j'ai dit, moi je pense pas que je serais capable de partir en voyage 8 mois après, là, t'sais. Moi, si mon garçon meurt, on se l'est dit souvent, moi et ma blonde, je pense qu'on meurt tous les deux aussi, là, t'sais, je pense que... On est tellement attaché que, oublie ça, moi, 8 mois après, je serais pas prêt à partir en voyage ou. Je sais pas, tu sais, on sait jamais, mais. Je suis pas un expert, mais. Je vais pas parler ici d'un petit enfant, mais mon meilleur ami s'est suicidé quand j'avais 16 ans. Lui, il en avait 15, il approchait de ses 16 ans. Puis, à tous les matins, je me rendais chez lui, puis on partait à l'école ensemble. Puis on marchait jusqu'à l'école. Puis, j'étais allé chez lui. C'est sa mère qui m'a accueilli. Les yeux, là. Rouge, j'avais pas dormi de la nuit, puis elle m'annonce que son fils est mort, tu sais. Puis je suis resté tellement bête, moi j'étais comme, je sais pas comment réagir, puis à un moment donné, je suis reparti de chez eux, puis je suis retourné, j'étais allé à l'école, j'étais comme, complètement déconnecté, complètement, tu sais, je savais juste pas comment réagir à ça, tu sais. Mais je me rappelle très bien de son visage, puis ses yeux rouges, rouges, rouges. Je vois jamais ça dans les films. J'ai jamais vu un film qui me représente vraiment le malheur d'une mère qui perd son enfant de manière aussi troublante que le visage de cette mère-là que j'ai vu quand j'avais 16 ans, là, tu sais. Mais il y a pas personne que j'ai vu. Tu sais, dans District 31, ça arrive souvent qu'on voit des parents qui ont perdu un enfant, quelque chose comme... Non, j'y crois pas. J'adore la série, je veux pas chier sur District 31, j'adore, je suis complètement accro à ça, mais il y a aucun acteur ou actrice qui perd un enfant là-dedans que je trouve crédible, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on dirait qu'on les habille en mou, oui. C'est suffisant. Oui, c'est ça, tu sais. Parce que moi, je me souviens de ma mère, au funérailles de mon frère, pas capable de rester debout. Mm-hmm. Il a fallu qu'elle ait une chaise tout le long, tu sais, pour les condoléances, parce qu'elle était pas capable de rester debout. C'était physiquement impossible d'être debout. Ah, je peux imaginer, c'est une partie de toi qui meurt, tu sais, c'est une partie de toi qui s'en va, fait que t'sais... D'ouvrir les yeux, tu sais, puis c'est pour l'avoir vécu, d'avoir vu une mère perdre son enfant, puis de le voir au quotidien, là, j'étais en secondaire 5, fait que je vivais chez mes parents. Donc, pour l'avoir vu au quotidien, oui, puis c'est pas la distance, puis je rapproche pas des mémoires la distance, je rapproche au personnage la distance qu'on lui a donnée, pas à l'actrice. Non, non, non. Dans le sens où il y a plusieurs façons de le vivre, mais après 8 mois, avoir pour seul objectif de finir son livre, permets-moi de trouver ça étrange. Oui. Je suis une femme sur Instagram, c'est une ancienne participante de Biggest Loser, que j'avais trouvé son histoire super inspirante à l'époque quand j'avais écouté l'émission. Puis en début 2017, elle a perdu son petit enfant après 3 semaines. Il est né, il avait une maladie, puis il est mort. Puis elle a mis au cours de l'année quelques photos de son enfant, des quelques jours qu'il a eu le temps de vivre, là, des 21 jours qu'il a eu le temps de vivre. Puis à chaque fois, c'est déchirant. Tu lis ses messages, c'est déchirant. Puis tu vois que ça a pris... Là, elle commence... Tu vois des photos de temps en temps où elle va dans des parties avec des amis. Puis elle commence à sourire un peu. Mais pendant un an, j'ai checké ses photos. Puis c'était tout le temps... Il y avait des moments, des creux, puis des hauts, puis des bas. Puis il y a des moments où c'était vraiment creux. Puis tu voyais qu'elle filait pas pantoute sur Instagram. Là, puis elle... Tu t'en remets pas facilement de ça, là. T'es pas, en tout cas, tout le monde est différent, puis ça, c'est un film, ça reste de la fiction, mais j'y croyais pas vraiment, t'sais, qu'elle est prête à aller dans un voyage comme ça pour finir son livre, puis après ça, avoir une aventure romantique, t'sais. Bon, tout le monde est différent, comme j'ai dit plus tantôt, mais ma mère est veuve depuis 10 ans, puis après que mon père soit mort, elle était pas prête à se remettre dans une relation, puis elle est toujours pas prête. Fait que, t'sais, ça dépend du monde, mais il y en a qui vont tout de suite se relancer dans une autre relation, mais t'sais, je trouvais ça qu'elle l'oubliait, comme on dit tantôt, elle l'oubliait trop vite, son fils, t'sais. C'est une auteure. Ouais. Ça, je tiens à le dire, c'est une auteure. Elle devrait faire fuck off le livre en cours, je vais écrire sur mon garçon. Je vais écrire ce que je ressens. Tu sais, elle a hyper le syndrome de la page blanche, mais c'est pas vrai. Une auteure, là, ne ferait que écrire sur son garçon, sur sa vie, sur ses sentiments. Tu sais, de dire être pas capable de rien écrire, ça aussi, je trouve ça étrange. Oui, tout le monde réagit différemment, mais j'ai le feeling qu'au contraire, elle se lancerait là-dedans puis elle écrirait des phrases qui font pas de sens, puis pas de chapitre, puis rien qui suit, puis la page d'avant, puis pas la page d'après. Mais il ne ferait qu'écrire. Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit durant le film qu'elle devrait s'inspirer de l'histoire de son fils ou de la mort de son fils pour écrire, tu sais. Pour exorciser ses démons. Ou... Non, c'est ça, fuck off le livre en cours, tu sais. Oui. Mais non. Comme on dit à quel point c'est cliché. Quand son chum, il essaie de la tuer, puis il en crie son bas de bateau. Il essaie de la tuer. Il dit carrément la ligne. Après ça, tu viendras dire que je suis pas un bon auteur à suspense. Il dit ça dans la vie. Tu vas le penser, mais tu vas pas le dire haut et fort. Mais tu peux le penser, mais tu le diras pas. Mais non. C'est pas une phrase que tu te dis facilement, là. Non. Après ça, tu viendras dire. Hey, voyons! Ah, son. C'est... Tout le monde est très unidimensionnel dans ce film-là. Là, t'sais, c'est... Il n'y a pas de profondeur au personnage. Là. Non, comme c'est vraiment triste. Le shérif, la folle qui parle à ses poupées. Tout le monde est une dimension. Tout le monde a une caractéristique. Ah ouais. Il y a... Non, c'est vraiment. Ça, il n'y a pas de profondeur. Mais je pense qu'on a assez parlé du film. On a parlé plus du film que de la valeur du film. Ouais, c'est ça. Que, si ça continue, on va parler plus longtemps du film que le film dure. T'sais, je ne vais pas parler pendant 1h50 de ce film-là. Non, on n'a pas tant de choses à dire. Puis de toute façon, on s'en va avec une excellente chanson d'un des meilleurs films de des mémoires, Striptease. Ah oui, c'est vrai, on a pris oui, c'est vrai, une chanson du film, comme tu viens de dire, Striptease. On a choisi parmi la soundtrack la chanson Get Out of My Dreams, Get Into My Car de Billy Ocean. Et on revient tout de suite pour la conclusion. Car. OK, on est de retour pour la conclusion. Et pour le prochain épisode, on est en train d'en jaser en dehors de l'enregistrement. Puis on se disait, pourquoi pas prendre des films québécois? Je pense qu'on s'engage tout de suite là-dessus, moi puis Vicky. Puis on va demander aux deux gars de nous fournir des titres aussi, eux autres. On n'a pas encore décidé rien, là, mais on va décider. C'est de trouver deux films d'horreur québécois dont on aurait envie de parler. Ouais, on a rien décidé, mais on s'est dit, crime, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, on en veut deux. Si vous avez des idées de courts-métrages, à ce moment-là, on coupera l'épisode en quatre, puis on fera quatre courts-métrages ou deux longs-métrages. Tu sais, en tête, c'est sûr que, d'évident, on avait Le Scaphandrier, Thanatomorphose, le film Road Rage, Karen Vanasse, Jeff, t'avais Le Poil de la Bête. On le sait pas ce qu'on va prendre, mais prenez le temps de vous en suggérer sous l'épisode. Vous allez voir l'épisode apparaître sur Facebook. C'est le temps de commenter. Commentez vos films d'horreur québécois dont vous aimeriez entendre parler. Ça peut être des courts-métrages. Ah, il y avait Discopathe! Ouais. C'est un film québécois, Montréal anglais. Moi, je l'ai vu et j'avais trippé. Tu vois, j'en ai trouvé un autre, Discopathe. Voyez, quand on se met à chercher en gang, on est capable de trouver. Turbo Kid aussi, peut-être, science-fiction horreur. Regarde, on a de la place en masse. Faites-nous vos suggestions, puis on va parler de films québécois d'horreur au prochain épisode. C'est good. Puis sinon, ben, avais-tu d'autres choses à annoncer? Non, au début, tu me dis non tantôt. Non, ben c'est sûr que si tu veux faire les shout-outs, je fais le shout-out à Véro, oui. Notre super Patreon, notre Wonder Patreon Véro. C'est quoi être Patreon Horror Gamer? En fait, c'est vous permettre d'écouter les épisodes live. Donc, toute la discussion qu'on vient d'avoir sur le cinéma québécois d'horreur, qu'on vient d'avoir avant de vous revenir après la pause, ben vous l'avez live. Fait que c'est super le fun, vous pouvez même participer, vous pouvez donner vos commentaires directement en dessous du live. Moi, je peux pas les lire parce que sinon, ça bloque mon Internet, mais souvent, c'est Seb qui les lit. Bref, on vous écoute, on vous suit durant les lives. Et je voulais faire le shout-out à Véro parce que Véro vient à la capsule. Ouais. C'est ça qui est cool. Quand tu fais Patreon puis tu es capable de te rendre à la capsule, tu as même des avantages. Elle a réussi à réserver un vendredi soir à la capsule pour ses démonstrations de produits érotiques. Oh! Oh oui! Fait qu'on va avoir les 12 folies de Nikki qui vont merger avec Horror Gamer, qui vont merger dans la capsule! Soirée chaude en vue. Oh que oui! moi, je l'ai vu les commentaires, puis Véro est là à soir encore, comme à toutes les deux semaines, puis même à soir, elle était supposée fêter son chum, puis finalement, elle le fête pas. Non, c'est pas vrai, mais elle nous écoute quand même, puis elle est tout le temps fidèle, puis on la remercie beaucoup d'être là, puis c'est vraiment cool. Puis Patreon, je pense que c'est pour nous regarder le dimanche soir, pour nous écouter, ben nous regarder puis nous écouter le dimanche soir, live quand on enregistre, c'est, je pense, c'est 3$ par mois, je pense, si je me souviens bien. Sinon, ben, j'ai mon gilet sur moi, mon gilet d'Horreur Gamer, puis on n'en parle pas beaucoup, mais on a une boutique sur le site internet horreurgamer.ca, il y a une section boutique, vous pouvez trouver des t-shirts d'Horreur Gamer, puis d'autres cossins, comme des étuis de téléphone, toutes sortes d'affaires, je pense. Ça, mais c'est ça, c'est juste un encouragement pour nous autres. Là. Ça fait un petit peu d'argent pour nous. Puis, c'est ça en gros. Dans le fond, j'ai plus rien à dire. Je pense que c'est la fin de l'épisode. Non, c'est comme Véro a proposé des affamés. Effectivement, on en avait parlé hors d'onde. Elle nous a entendu en parler, de dire est-ce que oui, est-ce que non. Ben, juste les Patreons vont savoir pourquoi. Nous n'avons pas nommé les affamés au retour. Bon, ben, je pense que là-dessus, on a terminé. Fait que bonne fin de soirée, Vicky. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. C'était le fun. Toujours un plaisir. Même quand j'écoute tes films. Et puis, je vais faire attention pour mes choix les prochaines fois. J'essaie de trouver des choses un petit peu plus épeurantes que ça. Un petit peu. Bon, ben merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés, puis gardez ça horreur.